sais pas si vous avez remarqué, on a démarré avec un autre jingle que le jingle habituel. Ouais, on a changé. C'est incroyable. 20h59 exactement. Bienvenue sur Énergie, les amis. Vince est dans la maison. Et c'est drôle, en fait, je vous explique pourquoi. C'est parce que j'ai complètement zappé. D'habitude, je laisse Flo taper un jingle à nous, le jingle de l'émission, hein, le jingle qui me permet de démarrer, de faire comprendre que c'est une grosse émission qui démarre, que c'est très sérieux, que là, à partir de maintenant, on va rigoler en même temps qu'on est sérieux, qu'on va se marrer, que ça va partir dans tous les sens. Et ben, sauf que. Voilà, il a oublié de le mettre. Donc on remercie Flo, on le salue, mais c'est pas sa faute, en même temps c'est la mienne. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va mettre l'intro maintenant. Ça vous va les amis? On met l'intro maintenant, c'est oui, bon? Ouais. J'adore quand vous dites ouais en même temps, c'est tellement mignon. Allez, c'est parti, hop là. La bonne intro, pas ça. Jack Jones, c'est après. Merci. Hello. Merci. Allez, ça démarre ou ça démarre pas? Eh, ça veut pas démarrer, ça. Eh, ça veut pas démarrer. Nigel, je crois qu'il y a la machine qui décolle. Non, mais là, en fait, parce que c'est en automatique, t'es pas en manuel. Ah, tu m'apprends un truc. Ah, ouais. J'ai jamais vu ça. Allez, jungle, on y va. C'est un héros des temps modernes. Un soldat. Il ne craint personne. Rien ne l'effraie. Il détourne un tsunami à main nue. Son souffle provoque un ouragan. Quand il marche, il provoque des séismes. Et il fait de la radio en parlant. Vince, 21h minuit sur Énergie. Vince est dans la maison! Bienvenue sur Énergie les amis, enfin, voilà, ça c'est du démarrage qu'on aime bien, ça c'est du démarrage qu'on adore. Bonsoir Lara. Oh, bonsoir. Lara, elle s'est reposée dans la zen room d'Énergie. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'aller dans la zen room. Elle est agréable, elle sent elle bon. Elle est hein. Zen, ah, elle sent trop bon. C'est incroyable. J'ai hein. testé les sièges, oh là là là les là. Sièges qui ne sont pas des sièges massants, enfin oui, la vibrant. Résultante est massante, mais oui. C'est vibrant. Mais c'est vibrant hein. Ah oui, t'as kiffé. À un moment donné, c'est là, mais oh. Ah, t'as apprécié le truc hein. Oh. Ouais, je constate effectivement. Oui, parce qu'il faut préciser, chers auditeurs d'Énergie, déjà bienvenue à vous dans cette émission du lundi jusqu'au vendredi. Vince, 21h sur Énergie jusqu'à minuit. Et des poussières, on dépasse très souvent, bien sûr. Et Lara était un peu fatiguée et en fait, ouais. Elle a été se reposer dans une salle qu'on appelle la Zen Room à Énergie. Oui. Ah oui, et alors il mais tout qui est noir. Incroyable. Ah oui. Ça sent délicieusement bon. Il y a du. Ça nous met sièges. Bien, hein, ouais. Il n'y a pas de bruit. Oh, c'est canon. C'est incroyable, ça nous met vraiment bien. Vive Énergie. Et puis on a également Nigel qui est là. Salut Nigel, est dans la maison. Oui, c'est ça. Ça va Nigel, prêt ouais. pour ce week-end là. Là, je suis grave chaud, comment je suis content, on est vendredi. Et dernière de la semaine, c'est le week-end les amis, c'est le week-end. On salue également le standard, salut Thibaut, comment ça va? Salut Vin, ça va super et toi? Mais ça va très bien, tranquille, t'as passé un bon vendredi? Ouais ouais, hein, comme tous les jours, mais là c'est bon, on est en émission donc il, c'est encore il mieux. Il a dit qu'il était très content là tout à l'heure parce que ce soir il a une grosse soirée. Ouais du coup il est content parce qu'il va affonner des bières 20 litres et tout. Non je vois pas, je suis Bob. Ah bon t'es Bob ce ouais, soir ouais. toi? Ouais ouais, ça arrive de temps en temps. En fait, parce que c'est parce que ses potes, ils ont pas de voiture, donc du coup, ouais, c'est Bob. Ouais, en fait, on devait croire que t'as un rôle. On te dit, hey, mais ce soir t'es Bob, alors qu'en fait non, t'es le chauffeur. T'es dégueulasse. Ouais, mais c'est un peu le cas en fait. Non, c'est dégueulasse. Il sent mal, il a vu la vérité. Oh. Salutations à Heidi et Nda Tube dans la place. Ça va Heidi? Mais ça va, je vais bien. Je suis dans une forme resplendissante. Il constate. Attends, Heidi quand même qui a quitté la radio avec Nigel vers quelle heure hier? Il vous a 4h30 du matin. Ouais. 4h30 du mat. Et, aïe, aïe, aïe. Et on a eu une petite réunion ensemble et puis on a dû bosser quoi. Ouais, vous avez joué à FIFA? Non, même pas. Les gars, j'ai vu mon PlayStation Network se connecter, je l'ai reçu en notification. On a joué un petit peu, mais on a quand même bossé. Ah voilà, mais c'est ce qu'il semblait. Petit peu, quoi. Nous en fait. Moi j'ai une notification quand la PlayStation se connecte. Ouais hein. Mais la manette elle s'est allumée seule. Puis on s'est dit ah c'est un appel. Incroyable là, incroyable. Et t'es rentré à quelle heure chez toi alors du coup Endatube? Et moi je suis rentré grave tard parce que bon bah, déjà je dois prendre des transports plus des ah bah oui oui tu galères je suis arrivé à 8h30 chez moi. 8h30 en ayant quitté à 4h30 du matin. Exactement, 4 heures de route jusqu'à chez toi. Mais c'est parce que bon les transports n'étaient pas très ouais non c'est galère enfin, non mais c'est un mytho. Non, vraiment, vraiment. Non, mais en fait, il s'est endormi à la gare centrale. Mais c'est vrai. Non, j'ai dû marcher en fait, de la gare jusque chez moi. Parce que ben, les bus ne passaient pas encore à cette heure-là. Et du coup, et bon, c'est ben, pas l'horreur, ça, quand genre, tu termines ta nuit et que tout le monde va au travail. C'est l'horreur. Ouais, mais en fait, et puis, il est 8h, t'es dans le. T'as l'impression d'être déphasé, en fait. T'as l'impression d'être la. Dans une autre dimension. La plus grosse merde que tout l'univers est porté, tu vois. Ouais, ouais. Et tout le monde te regarde et tu dis ça, c'est moi, horrible, ça se voit sur moi que j'ai pas dormi ou quoi. Bon, les amis, ce soir, dans cette émission, vous passez les meilleurs moments de la semaine, les moments que vous avez le plus kiffé. D'ailleurs, si vous voulez réécouter les moments que peut-être que vous avez ratés, quand je dis ratés, c'est que vous êtes tombé en plein milieu et tout, et ben il suffit de le demander maintenant sur le WhatsApp et ils sont très nombreux. Ce soir sur WhatsApp, il y a Thomas qui est là. Putain, vous m'avez manqué. Bah, Thomas, oh. Bienvenue à toi. Kaysaris Bach, Pedro qui est dans la maison. Pedro dans la maison. Merci. Qui vient du Luxembourg. Georges est là aussi. Il y a Anaïs. Vous allez bien aujourd'hui, toute l'équipe? On va très oui. bien. Très bien. Et toi, Vince, franchement, t'as fait quoi? T'es content d'être vendredi ou pas? Je suis très heureux d'être vendredi. Aujourd'hui, je me suis tapé les embouteillages comme un ouf. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y avait des embouteillages partout. Oui, mais c'est parce qu'il y avait le zèle de la grève. Incroyable, je sais pas quoi. Ouais, la grève ouais. Du zèle, ouais, ou mais par contre, avec Vince, on a oublié un rendez-vous important aujourd'hui. Ouais, enfin, oublier, c'est un grand mot. Oublier. J'ai reçu un appel à 16h. Je peux te dire que Nigel. Je vous explique. Moi, je suis avec ma fille du côté de Louvain. Louvain, vous voyez la Belgique. C'est pas Louvain-la-Neuve. Louvain-Leuven. En Brabant, flamand et tout. Je suis tranquille là-bas avec ma fille. Et je reçois un message de l'accueil d'énergie qui me dit: ah, il y a ton rendez-vous qui est là. Et je suis à une heure du rendez-vous, mais genre à une heure sur de route, quoi, tu vois, embouteillage, tout le bordel. Et moi je dis: mais attends, mais j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Je regarde dans les mails et je vois effectivement qu'il y a eu un quiproquo. Genre en fait, il y a un mail comme quoi on a rendez-vous aujourd'hui, un mail comme quoi on a rendez-vous la semaine prochaine à 20h. Et alors du coup, moi je préviens Nigel, et Nigel qui est en plein milieu de son cours, il dit: hey, mais je suis un cours obligatoire là, qu'est-ce qui se passe? Et je dis: mais attends, mais on a un rendez-vous là à 16h à la radio. Il me dit: mais non, c'est la semaine prochaine. Et en fait, je lui envoie les mails et il fait: bon bah ouais, c'est aujourd'hui. Ah, ça va, tu l'as fait alors? Je suis arrivé à ton rendez-vous. C'est pour la Military Run, les amis, préparez-vous parce que vous allez faire du sport dans cette émission et je vais vous faire souffrir à cause de ce rendez-vous presque loupé. C'est une blague. Ah, je vous promets, si, Military Run, d'ailleurs, les auditeurs vont pouvoir y participer, ça va se passer du côté des Ardennes, pas loin de Bastogne. Attends, parce que dans Military Run, il y a surtout Run. Il y a Run, ouais. Et donc, c'est des courses d'obstacles en fait. Tu cours pendant tout un moment et après, t'arrives à des obstacles de ouf. Faut grimper. Des sortes de ponts de singes, des trucs dans le genre, ça Eddie va kiffer. Quoi? What the fuck? What? Et donc, du coup, ce qui va être mignon là-dedans, c'est que vous allez tous transpirer comme des dingues. On aura des places à offrir prochainement à l'émission. On va faire un parcours aussi à énergie. Bref, tout un truc. Ouais, on va se marrer. Chouette. On va se marrer. Les auditeurs qui aiment le sport et tout, si vous voulez participer à le Military Run, ça va se passer le 11 novembre. Restez bien à l'écoute d'énergie. On aura des choses à faire, des choses à dire. Ce soir, Zenrila sera notre invité. Yeah. Mesdames et messieurs, on l'applaudit parce que Zenrila, c'est l'homme qui vous change, c'est l'homme qui vous transforme. Un professionnel en transformation de stress. Si vous jamais vous êtes stressé pour une chose, je ne sais pas laquelle. Je sais pas, peut-être qu'un auditeur peut être stressé de passer à la radio, peut-être stressé de passer devant un public, de parler devant un public, peut-être vous êtes stressé de votre boss. La phobie administrative. Voilà, la phobie des animaux, des araignées, tout ça. La phobie de la phobie. Et bien cette personne vous aide, elle est là pour vous faire prendre le contrôle, retrouver le contrôle de votre vie. Il y a Choc qui est connecté, il y a Galou, il y a Lison également qui est dans la maison. Et merci Lison là. Et Vince, hier tu demandais d'où est-ce qu'on t'écoutait. Ben moi c'est dans mon lit avec mon réveil. Mais je suis dégoûté. Mes parents veulent que je descende mon tel à 21h30. Donc je peux pas vous parler. Tant que tu peux nous écouter, mon pote, si tu peux pas nous parler, c'est pas très grave. Tant que tu peux écouter, et ben c'est comme si voilà, tu vois, on avait une communication de toute façon. Bisous à toi Lison qui nous envoie ce message. Je vous écoute en mangeant du chocolat, c'est génial. Je vous écoute en mangeant du chocolat. Il me tourne pas, lui, il est ouf ou quoi là? Il y a Lucas, on est là, la famille, Steph qui est connecté, Big Up la team, Vince est dans la maison. Il y a Michael qui est là aussi, il y a Youssef, salut toute la team, j'espère que vous allez bien, on va très bien, merci. Elisa, ça fait du bien d'entendre vos voix. Les amis, pour nous écrire, pour nous envoyer un message, eh ben, c'est très facile, il suffit de faire ça sur le 0492 222 002. Le nombre de notifications est assez hallucinant sur ce téléphone. Il y a 1400 messages non lus. J'étais à 1600 ce matin. Wow. Je suis redescendu à 1400. Et là, tu vas remonter à 2300. Et là, avec l'émission, ça va remonter de nouveau. C'est bon, t'as tout le week-end pour y répondre. Oh mon Dieu, ça va prendre du temps. Hein. Je vous donne le numéro de téléphone 0492 222 002. Vous ajoutez le numéro à vos contacts. Et dès que c'est fait, dès que vous avez ajouté Vince, Energy ou ce que vous voulez, eh ben vous pouvez taper la causette avec nous sur WhatsApp. Vous êtes les meilleurs. Est-ce que je peux passer pour un jeu? Quelqu'un qui nous a aussi envoyé une note vocale. Le soleil se lève, rien que pour te voir, Vince. Oh, merci mon pote. Un numéro luxembourgeois qui nous a envoyé ça. Non, mais du coup, il se couche peut-être parce qu'il n'y a jamais de soleil. Et Paul est dans la maison aussi. Il y a Galou qui est là. Il y a Montesando. Oui. Salut l'équipe. Vive le vendredi. Grave. Merci pour le message. Hop, Vince devant la radio. Merci à toi, c'est gentil là. Vince, Eddie, Thibaut dans la maison et on m'a envoyé Sarah. Non, c'est Lara, Django. Oui, c'est Lara. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu m'appelles comme tu veux, chouchou. Fred, vous êtes trop excellent, j'adore vous écouter. D'ailleurs, toute la team, vous me faites trop rire. J'aime même plus étudier mon anglais, mort de rire. On peut t'apprendre ton anglais, on peut faire une émission spéciale en anglais pour toi. Hello, my family is from London. You're from London. Don't focus. Oh, by the way, tonight we got Belgium against Switzerland. Ah, it's 0-0. No, it's null. Nul. Yeah, tu dis null. Toujours dit 0-0. Non, tu dis null, 1-0. Okay, no goals, quoi. Non, ça, c'est toi. Is the 21 minutes right now? Bref, vous avez compris, peut-être pas. Non, Belgique-Suisse, les amis. Ah oui, c'est vrai. C'est 0-0 pour la Belgique et la Suisse, d'ailleurs. 21e du jeu, minute de jeu, je rappelle que c'est pour l'UEFA Nations League, la nouvelle compétition qu'ils ont inventée. Histoire qu'il y ait encore plus de foot, tu vois. Bah ouais, exactement, et plus de magouilles encore. Pas assez, hein. On salue Rama qui est là aussi. T'as dit quoi, Rama? Rama Rama Soutra, ouais. Rama, il a raté son message. Salut Vince, juste vous dire courage à mon ami Alvaro qui part au boulot et que et dites-lui que je l'aime. Bisous à tous de la part d'Alessia. Eh ben, merci Alessia aussi. Il y a plein de nouveaux ce soir encore là. Eh, mais vous êtes chaud, c'est incroyable. Ah chaud, ouais, chaque jour vous arrêtez pas. Et hier on a eu 400 nouvelles personnes qui nous ont envoyé des messages. Quoi? Ah non, mais c'est hallucinant. Wow. Hey, 400 nouvelles personnes sur le WhatsApp. C'est ouf. Oh my god. D'habitude on tourne autour des 250-300 nouvelles personnes chaque jour, en sachant que c'est pas tous les auditeurs qui envoient des messages chaque jour. Mais imaginez, on a démarré le 27 août. Ouais. Chaque jour, on a plus ou moins 200-300 personnes qui nous ajoutent. Bah du coup, les gars, hier c'était 400, c'était un truc de ouf. On va peut-être envoyer mon numéro de compte à la fin du mois. Ouais, non, mais c'est... Non. T'imagines? Mais non, mais je pourrais peut-être faire une campagne de crowdfunding. Ah ouais, pas mal. D'ailleurs, on va parler de crowdfunding dans quelques minutes, les amis, sur Énergie, puisque pour ceux qui ne savent pas, nous allons recevoir Geoffroy Delcourt, qui est le responsable d'HelloCrowd. Il sera avec nous tout à l'heure, les amis, parce que grâce à cette personne, vous aurez peut-être l'opportunité, et grâce à la Bourse Énergie aussi, d'avoir voir aboutir l'accomplissement d'un projet de vie. Peut-être que vous avez quelque chose qui pourrait changer la face de l'humanité, ou peut-être simplement la face de votre commune, ou alors tout simplement vous avez un chouette projet et vous avez besoin de sous-sous, d'argent. Hein, c'est comme ça, vous avez besoin d'investissement derrière. Et ben avec HelloCrowd, on va vous expliquer comment ça se passe. Il y a plein de gens qui ont participé d'ailleurs à la Bourse Énergie. Yes. La Bourse Énergie qui contribue à votre projet. J'ai HelloCrowd, hein, je tiens à le préciser. Ouais. Hein. Pour l'instant, les inscriptions sont terminées, mais elles reviennent en novembre. Là. Grave, on relance en novembre, mais il y en a déjà eu vraiment beaucoup là pour le moment. Si jamais vous voulez ouvrir, je sais pas, votre snack végétarien, par exemple, vous avez des projets. Et on est là pour des vélos électriques ou quoi. Exactement. Et on va parler de HelloCrowd parce que c'est cool, ça parle de crowdfunding et ça marche pour tous les projets, pas que pour la Bourse Énergie qui contribue à ça, mais vraiment tous les projets que vous avez, vous. Et ben HelloCrowd, ça va vous permettre justement de pouvoir vous développer parce que parfois, tu as envie de lancer un truc, tu sais pas très bien comment faire. Il faut des investisseurs, tu sais pas très bien comment les choper, ça prend beaucoup de temps. Et ben HelloCrowd, c'est le public, on en parlera, on va expliquer tout comment ça tourne. Juste après tout comment ça tourne, c'était très français. C'est magnifique. Après Jack Jones avec Ring Ring sur Énergie. J'espère que vous allez bien les amis, on est en live sur Énergie. Bienvenue à vous. Today I'm feeling closer to you. No more late night Ubers, baby. I'm not coming to your house. Are you crazy? You said you were home, but I saw on your story you out till the morning, not alone. So now you're gonna call, ring ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring, ring. Are you there? Hello, are you there? You there? You there? Ring, ring. Are you there? Hello, are you there? You there? You there? I got a lot of friends, trust. You don't wanna meet my brother, so don't come into my ends, trust. We all know you've been fucking with another. If you make it out alive, ring ring. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? 21h minuit. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. Hey Vince est dans la maison. On Energy, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue à vous, c'est le week-end. Oh c'est le week-end, ça ouais fait du bien. Oh, yeah. Putain. Oh c'est bon là. Hey, hey, hey, hey. Hey, people say. C'est le week-end. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et on va faire la fête ce week-end. Si jamais il y en a qui veulent sortir ce week-end, samedi, je suis au Zozo Théâtre, nouvelle boîte du côté de Liège. Je dis ça, je dis rien. Ah, bien. Voilà, on va se mettre bien, l'ancien Urban Building. Samedi ? C'est ce samedi, du côté de Tongres, plus exactement, là. Ouais, je vais jouer des soirs un peu comme ça, tu vois. Les amis, on est là pour se marrer ce soir. On aura Zenry là pour parler sérieusement. On aura également des meilleurs moments de l'émission là. Ah, l'histoire avec Sébastien. Eh, ça on me l'a demandé, mais comme des ouf. Hein. Ah ben j'en suis sûr. L'histoire avec Sébastien. Sébastien, c'est un mec qui a été appelé par un pote pour faire le jeu des 4 punchlines. Sauf qu'à un moment donné, Sébastien s'est emballé. Il a commencé à balancer des choses privées. Oui. Et puis le lendemain, on a eu Sébastien au téléphone. Ouais. Très vénère. Tout ça, c'est à découvrir ce soir dans l'émission. Si vous arrêtez ce moment, on a Jonathan qui est connecté là, qui nous envoie des messages sur WhatsApp là. Attention, mes plaies. Oh l'équipe, en forme ce soir. Ouais. Pour répondre à vos photos sur Insta, franchement, vous êtes trop beau et vous écoutez chaque soirée toujours à pur bonheur pour nos oreilles. Donc, viens à vous, la famille. Eh, merci Jonathan, c'est gentil. Merci. C'est wow. Cool. Bon, on a une nouvelle photo de toute la team là. Si jamais vous n'avez pas vu les membres de la team, vous ne savez pas à quoi on ressemble, eh ben, allez voir ça sur Instagram. Ouais. C'est Vince Radio, VNZ et Radio. 3 sur 5, on a les yeux fermés, donc tout va bien. Mais comment ça, t'arrêtes, t'as les yeux ouverts. Toi, t'as les yeux fermés, moi j'ai les yeux fermés. Nigel, parce qu'on rigole. Il fait le truc comme ça avec la main sur les yeux. Là. Ah, excusez-moi, il y a ma mère qui m'appelle. Excusez-moi, je décroche, c'est ma mère. On décroche au Madrid, c'est normal. Allô, maman? Ah oui, Bobo, je sais pas, est-ce que je viens chez vous, là, avec la petite ou quoi? Ah, t'es devant Énergie, là? Ah oui, je suis devant Énergie. Ça va, je vais envoyer Nigel, il va venir t'ouvrir, t'inquiète pas. Oui. Ah, moi, j'ai pas le temps. Ok, ok. Ça va. Ok. Attends, mais je vais traverser la rue, hein. Oui, bah, on va traverser la rue, mais fais attention. On regarde à gauche et à droite, hein. Ok? D'accord, ok. Voilà. Merci, Bobo. T'es passé en direct sur Énergie, maman. Pardon? T'es passé en direct sur Énergie. Non. Bah si, je t'ai mis en haut-parleur. Oh, t'inquiète, t'as déjà eu le Kev Adam, c'est Jamel Debbouze. Voilà, maintenant ça va, y'a pas de problème. Ah oui, Kev, c'est Jamel. Oui, oui. Allez, bisous, maman, parce que je suis en émission quand même, je suis un peu au boulot. Oui, bisous, hein. Bisous. Bisous. Non, excusez-moi, mais je décroche qu'à ma mère. Non, ça va, Bobo. Tu sais quoi, n'importe qui peut m'appeler le soir, mais ça, si c'est ma mère, je décroche. Ça, c'est comme ça, c'est les madres. Mais pourquoi l'émission ne s'appelle pas Bobo sur Énergie? Ah, le bâtard. C'est une question. Ah, le bâtard. Bah, t'as qu'à faire une pétition, si tu veux, pour ça. Voilà. Voilà. Ou alors, si tu veux, tu peux développer ton projet, hein, Bobo sur Énergie. Bobo et sur Énergie. Voilà. Il te faudra du cash, hein. D'ailleurs, en parlant de cash, eh ben, y a de quoi s'en faire. Et le mec, il se frotte les mains, là. Ça y est. Le mec, il y a moyen de se faire du cash ce soir. S'il vous plaît, on fait un maximum de bruit pour Geoffroy qui est dans la maison. Ouais. Geoffroy est dans la maison. Geoffroy Delcourt, comment ça va, Geoffroy? Ça va très bien. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue en direct sur Énergie. Tu vas bien? Oui, super, j'étais hyper bien accueilli. C'est vrai? Oui, vraiment. T'as reçu un petit café, un thé? Oui, un café. Et du coup, c'est qui t'a accueilli? C'est Nigel. Ah, merci, c'est ça y est. C'est Nigel. Des points en plus pour Nigel, c'est malin ça. Ah ouais, mais... Si t'es avec nous ce soir, Geoffroy, c'est pour nous parler de Hello Crowd. Exactement. J'ai eu pas mal de messages de gens qui me demandent c'est quoi le crowdfunding. C'est vrai que c'est quelque chose qui a démarré. En fait, c'est devenu un peu plus connu depuis ces dernières années. Mais c'est pas encore grand public le crowdfunding et je crois que ça peut aider pas mal de personnes qui veulent développer des projets. Oui, exactement. Bah alors il faut déjà se rendre compte que le crowdfunding est quand même assez bien connu en Belgique. Il y a plus ou moins 70% des Belges qui commencent à vraiment avoir une bonne notion du crowdfunding. Alors le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement le fait de faire financer son projet par le grand public. L'idée qu'il y a derrière le crowdfunding, c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est beau. Wow, bravo. Bravo. Bravo. Et merci. Hein. Mais attends, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout le monde peut se dire, bah tiens, j'ai envie de regarder qu'est-ce qu'il y a comme projet sympathique et œuvrer en quelque sorte, bah pour l'évolution du monde. Parce que c'est généralement quand tu fais du crowdfunding, c'est pas pour un mec qui a envie de faire un projet, façon de parler. Mais c'est toujours avec un, il y a toujours une vocation quand même derrière. Alors. La plupart du temps. Il y a plusieurs plateformes qui fonctionnent de manière différente. Mm-hmm. Et le crowd fonctionne avec certains critères. Et un des premiers critères est le fait que les projets doivent avoir une portée collective. C'est-à-dire que le projet ne doit pas servir uniquement aux porteurs de projets, mais doit aussi donner... Un sens à la collectivité. Oui, mais... Des emplois pour plusieurs personnes, en fait. Pas spécialement des emplois, mais je vais donner un exemple. Si quelqu'un veut présente un projet sur HelloCrowd pour rénover sa maison, on va dire non. S'il veut la rénover pour faire une crèche ou pour faire un Airbnb, ce sera oui. C'est énorme. Oui, donc ça, c'est énorme. Ça intéresse plus de monde que juste un projet personnel. D'accord. Mais j'ai un projet à vous soumettre, HelloCrowd. Eh bien, faut pas hésiter. C'est vrai, je peux. Maman, je peux en tant que travailleur d'énergie, je peux. Bien sûr. Ah, c'est oui. Cool. Non, mais parce que je lance une ASBL prochainement. Vous aidez les ASBL aussi ou pas? Oui, qu'on soit particulier, un entrepreneur ou même une ASBL, tout le monde est bienvenu sur HelloCrowd. Eh ben, c'est cool. Je voudrais savoir s'il y a des auditeurs qui sont en train de nous écouter, qui ont des projets comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des projets d'une ville? Tu sais, on a toujours un projet de vie un peu comme ça. On ne sait pas très bien quand le commencer, on ne sait pas très bien comment trouver des investisseurs. C'est chaud de trouver des investisseurs, j'ai l'impression, quand tu as envie de te développer. Et là, comment ça se passe? Admettons, là, il y a quelqu'un qui a une idée, il y a un auditeur, par exemple, il voudrait, je ne sais pas, lancer un truc original qui sert à la collectivité. Comment il fait pour se retrouver sur la plateforme? Alors déjà, la première chose, c'est de bien penser à son projet. Ça ne sert à rien de le proposer si on n'y a pas pensé correctement. On va simplement sur HelloCrowd.be et on propose un projet. La première chose à faire, c'est de décrire correctement son projet. Parce que beaucoup de porteurs de projets donnent les grandes lignes, mais... Ah, il faut tous les détails. Non, il ne faut pas tous les détails, mais... Il faut réussir à être à bien viser explicite, le but, quoi. Etc. Oui, bien... ce qui est important, c'est qu'on comprenne de quoi il s'agit. Parce que quelquefois, c'est tellement vague qu'on ne voit pas vraiment quelle est la finalité du projet. Mais il veut quoi, le mec, en fait? Oui. Pourquoi il nous envoie ça? En plus, il y a plein de fautes d'orthographe. Non, faites pas gaffe à ça, j'imagine. Non, pas à l'orthographe. Voilà. Quel dommage. Mais on donne quand même quelques conseils pour la page projet. C'est quand même plus sympa quand il y a moins de fautes d'orthographe. Ah, on est bien d'accord. Et justement, on a John qui est avec nous dans le standard. Là. Salut, John. Allô. Je suis dans la maison. Merci. Hein. Ça va, John? Ça va vous, les gars? Ça va, mon pote. Bienvenue sur Énergie. Bienvenue à toi. John, toi, tu passes à l'antenne parce que tu voudrais, en fait, développer un truc grâce au crowdfunding. Écoute, on a Geoffroy qui est là. Il t'écoute. Si jamais tu as des questions à lui poser, dis-nous, c'est quoi ton projet, même? Ben voilà, Geoffroy, moi, écoute, je suis dans une paroisse et je chante les dimanches mon quartier et les jeunes du quartier. Je voudrais sortir un album de gospel. Oui. Donc, voilà. Je voudrais vendre cet album et certains fonds seraient distribués justement pour les maisons de quartier du quartier et voilà. Et j'aimerais vraiment faire un album de gospel et c'est vraiment difficile de financer ça parce que il y a beaucoup de matériel, beaucoup de trucs et du coup ça m'a vraiment intéressé quand on parlait de financement, d'aide dans des projets concrets et voilà, c'est ça. Mais John, franchement, tu as deux points positifs et deux avantages à ton projet. C'est que le premier, c'est que ça concerne une communauté. Et ce qui est important dans le crowdfunding, c'est disposer d'une communauté qui va pouvoir commencer à crédibiliser ta campagne de crowdfunding. Et donc, mais déjà rien que ça, c'est vraiment une force. Et ton projet est tout à fait crowdfundable parce qu'il a une portée collective. Et on a d'autres exemples de projets qui ont été crowdfundés sur HelloCrowd, des projets musicaux où c'était le lancement du premier EP ou ce genre de choses. Donc, c'est tout à fait faisable. Moi, je te conseille juste de t'inscrire au concours Énergie et de participer. Il ne reste plus que maintenant jusqu'à minuit pour s'inscrire. Hein. Non, c'est fini. C'est 23h59. C'est jusqu'à minuit. 59. C'est jusqu'à minuit. C'est encore aujourd'hui. Et après, ça reviendra de façon en novembre parce que l'avantage, c'est que grâce à Énergie, avec la bourse Énergie, en fait, on offre trois prix. Hein. Il y a 1500, 2500 et 3500 euros. Parce que ici, un jury formé des membres d'Énergie vont essayer d'estimer quels sont les projets les plus intéressants qui peuvent le mieux servir à la collectivité. Et attention, c'est un démarrage, c'est-à-dire que la bourse Énergie vous offre, par exemple, si vous avez le premier prix, 3500 euros en plus par rapport au crowdfunding général, où là c'est n'importe qui. Est-ce que moi je peux aller sur crowdfunding sur HelloCrowd, pardon, est-ce que moi je peux participer au crowdfunding? Ah bah bien sûr, à partir du moment qu'une campagne de crowdfunding est lancée, toute personne peut contribuer. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas des grosses sommes, on peut contribuer à partir de 5 euros. Ah, cool! Ah, ok. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà eu un artiste ou quoi qui est venu, enfin, qui a financer son projet grâce à HelloCrowd et qui a percé, enfin qui a pu vivre de ça par la suite? Ouais, Fatalement, on n'est pas une grosse plateforme comme on peut avoir en France qui lance des artistes comme Grégoire. Voilà. Mais oui, on a déjà aidé certains artistes à faire des petits concerts locaux. Ah, on a aidé un groupe flamand à lancer son premier EP. Cool. Et donc, on est là pour donner une impulsion et pour aider les gens à démarrer. C'est chouette parce que c'est très motivant en fait, hein, quand on se sent aidé par plein de gens et quand tu te dis qu'il y a des... Moi je trouve ça tellement kiffant. J'ai participé à un YouTuber que je salue d'ailleurs. Je peux pas donner son nom parce que voilà, c'était pas. J'ai participé à l'élaboration, au développement de sa chaîne YouTube et on a eu ensemble l'idée de faire un crowdfunding il y a des années de ça et tout. Et ce qui était le plus touchant, c'est de voir des gens qui aident quelqu'un, par exemple, qui est dans sa chambre, qui a une idée, qui a envie de réaliser un long métrage et de voir toute cette population comme ça se mobiliser pour ça. Et on peut se mobiliser pour plein de choses. Alors j'ai des messages qui arrivent. Il y a quelqu'un qui me dit: Vince, moi j'aimerais lancer une activité complémentaire. J'écoute avec beaucoup d'attention. C'est Fred qui a envoyé ça. Dis-nous en quoi tu voudrais lancer ton activité complémentaire. Et il y a Gmail qui m'a envoyé un long message. J'espère que c'est en rapport avec le sujet, Gmail. Hein, on écoute. Wesh la team, comment ça va? J'aimerais vous faire un gros big up à vous parce que vous êtes les best. Donc ça fait plusieurs semaines, voire une semaine, deux semaines que je ne vous écoute plus parce que j'ai tellement de choses à faire dans le privé. Et donc ça me casse les couilles parce que je ne trouve pas un seul moment. Mais voilà, j'aimerais vous dire que vous êtes les best, que vous me faites passer des soirées de ouf à rigoler. Ah, plus pour le moment, tu nous écoutes plus. Mais des gens ils se posent la question pourquoi je rigole. Et donc, un gros big up à vous tous, à toutes les Merci, filles. Gmail, c'est gentil. Mais Gmail, pourquoi j'ai voulu passer son message? Parce que j'ai parlé avec lui, je l'ai croisé en privé. Et lui, par exemple, il travaille avec une SBL qui est dans le développement des jeunes. Ils font de l'impro, ils font de la musique ensemble et tout ça. Donc, voilà, les SBL, c'est aussi possible pour eux. Parce qu'on m'a demandé, Vince, j'ai une SBL, est-ce que c'est possible? En fait, finalement, de ce que je comprends d'Hello Crowd, c'est que c'est très vaste. C'est que là, tu parlais des trucs de musique, mais c'est spécialisé en musique. Mais vous, en fait, c'est un peu, c'est tous les projets, tous les. Qui sert à la collectivité, oui, quoi. On n'est pas limité à un certain type de projet. On a bien sûr des critères pour accepter les projets, mais toutes sortes de projets sont bienvenus sur Hello Crowd. C'est alors cool. John, toi qui veux faire ton album de gospel, bah va tout de suite sur hellocrowd.be. Et une fois que je suis inscrit, en fait, ça se passe comment? Je vais faire quoi? Alors, c'est ça que je comprends pas. Je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. La première chose, c'est de bien présenter ton projet. Tu soignes bien la description de ton projet, on doit comprendre de quoi il s'agit, exactement qu'est-ce que tu vas financer avec ta campagne de crowdfunding. Ensuite, tu commences déjà à penser aux contreparties que tu vas offrir aux contributeurs en échange de leur argent. Ça montre aussi que toi, tu as bien compris comment ça fonctionne et que tu sais comment vendre ta campagne et ton produit. Beaucoup de motivation, et alors tu vas recevoir une réponse en t'expliquant ton projet est accepté ou pas. Et là, l'aventure démarre. Tu vas commencer à écrire ta page projet avec l'aide d'un coach. Parce que c'est ça aussi l'intérêt d'Hello Crowd, c'est qu'on n'est pas, enfin, on ne doit pas être un as du marketing. Il ne faut pas s'y connaître en crowdfunding pour s'y lancer. On est accompagné du début jusqu'à la fin. Ah, c'est chouette. Et donc, que ce soit pour le setup de la page projet ou même une fois que la campagne est démarrée, il y a des contrôles réguliers, on donne des trucs et astuces pour que... Promouvoir. Oui, exactement. Ah, c'est vraiment soutenu, quoi. C'est vraiment ça. Eh, fonce, mon pote. Il y a plein de messages qui arrivent, donc... HelloCrowd.be, les amis, allez checker ça. Et puis la bourse énergie, inscrivez-vous encore maintenant sur le site d'énergie, énergie.be. Vous avez jusqu'à minuit pour balancer votre projet là-bas, parce que ça vous file quand même, si vous avez le premier prix, 3 500 € en plus par rapport au crowdfunding que vous allez faire avec HelloCrowd. En tout cas, Geoffroy, merci à toi d'être passé dans l'émission, mon pote. Merci de m'avoir accueilli. Bah, avec plaisir, tu reviens quand tu veux, hein. Ah, super. Et je te contacterai parce qu'on a un chouette projet avec les teams ici dans l'émission, un projet qui est en SBL, yes. Et qui va être en partenariat avec Énergie aussi, hein. Yeah. C'est vraiment un gros truc qu'on a envie de réaliser, qui est très important à nos yeux. Donc on garde ça encore sous silence pour le moment, donc ça c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe, Nigel? Il y a Eddie qui a une question. Ouais, vas-y Eddie. Moi j'avais une petite question aussi. T'as dit oui, il faut rétribuer les participants, les gens qui participent à ta campagne de crowdfunding. Est-ce que déjà on peut choisir nous-mêmes ce qu'on leur donne? Et est-ce qu'il y a des obligations vis-à-vis de ça, etc.? Oui, alors c'est vrai que c'est important, merci de poser la question. C'est que Hello Crowd est une plateforme de crowdfunding via la contrepartie. Donc c'est une forme de crowdfunding qui est assez simple. Il y a d'autres et d'autres formes de crowdfunding qui sont plus compliquées, mais c'est de l'investissement, etc. Mm-hmm. Sur HelloCrowd, la personne qui contribue à une campagne de crowdfunding reçoit une contribution non financière. Et donc, matériel, c'est, quoi. Oui, un service, un produit. Ah, okay. D'accord. Donc, ils ne reçoivent pas l'argent, d'accord. D'accord. Non. Les contributeurs ne reçoivent pas l'argent. Et donc, tu dis que tu as besoin, et c'est ce matériel-là qui est amené, enfin, c'est cette possibilité. Non, vous... Je confonds, mais c'est intéressant. Si tu as mis 5 euros, alors tu recevras... Par exemple, si tu soutiens un artiste pour son EP, il peut dire, tu as mis 5 euros, tu reçois un poster. Voilà. Tu as mis 10 euros, okay, comme ça, tu reçois deux places de concert. Tu as mis 20 euros, tu reçois ça. Tu as mis 60 euros, tu reçois un meet-up avec moi, machin. La prochaine fois, c'est Lara qui vient expliquer tout ça à ma place. Ah, mais complètement. Hey, Lara, si tu cherches un job... Voilà, je dis ça. HelloCrowd. Voilà, super. Merci à toi, Geoffroy. Merci à vous. Merci. Et n'oubliez pas, les amis, dernière ligne droite, Bourse Énergie. Là, c'est jusqu'à minuit. Donc, allez-y sur energie.be. Merci à John d'être passé à l'antenne. Merci, mon pote John. Merci, les gars. Merci. Avec plaisir. Bon courage pour ton projet. On arrive tout de suite sur Énergie. Bougez pas, les amis. On est en direct. 21h30 sur Énergie. Belgique-Suisse, toujours 0-0. Non, mais c'est quand qu'on marque, là-haut, Vince, 21h, minuit, sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Énergie Extravadance, la plus grosse fête de Belgique. Chaque samedi soir, dès 21h, c'est Extravadance. Énergie Extravadance, votre émission club de référence. Vos DJ belges et internationaux mixent chaque week-end sur Énergie. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone, and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone, and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. Oui, bon, vous avez remarqué qu'il y avait un silence. Oui, je sais, vous avez remarqué, vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus rien à la radio, il y a un stress, il y a un souci. Écoutez, c'est vendredi et les boutons, on les rate un peu. Voilà, on appuie un peu sur le mauvais. Puis mais on dirait trop que je passe pour un amateur. Oh là là là là, non, c'est incroyable. On était avec ce charmant Geoffroy de Hello Crowd. Ouais, mais c'est ouf, et comment c'est pas pro Mais non, mais des projets qui ont réussi grâce à Hello Crowd, mais des histoires, mais extraordinaires. Allez faire un tour. Merveilleux. Sur bon, allez, vite, c'est dans la maison. Bienvenue sur Energy. Let's go. Énergie le soir. Oh yeah. Oh my God. Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Oh mon dieu, je te dis pas le bordel, incroyable. Bienvenue sur Énergie les amis. Bonsoir Vince. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh non, écoute, on est passé dans une dimension étrange là. Pas la quatrième ni la cinquième, mais peut-être la septième dimension. Un truc où il n'y a rien du tout. Et en même temps, rien du tout, comme le match Belgique-Suisse d'ailleurs. Hein, 0-0 mais pour le moment. Ouais, si, la Belgique, mène. Non, comment la Belgique mène ouais, sur le terrain. Possession ouais, maintenant ballon. Il faut mettre un goal quoi. Tu parles trop. Oh. Ah non, mais les gars, non, c'est la highlight ça. C'est les et meilleurs alors, moments. J'ai cru que c'était un goal, j'ai le droit. Mais le ballon était à 4 mètres de côté là. Ouais, j'étais du mauvais côté. En tout cas, salutations à tous les nouveaux là, ceux qui viennent d'arriver dans l'émission qui ne connaissaient pas. Il y en a beaucoup ce soir. D'ailleurs, on vous fait un coucou. Hein. Ouais, mais chaque jour, en fait, de plus en plus on fait l'émission, plus elle dure. Et ben, plus il y a de nouvelles personnes qui nous écoutent. Là. D'ailleurs, vous pouvez nous ajouter sur le WhatsApp si vous le désirez. Le numéro WhatsApp, c'est le 0492 0492 222 002. 222-002 ou si vous préférez 22-20-02 tout simplement 0-402-222-002. Salutations à Quentin qui est dans la maison. Il y a également Julien qui est là. Vince, salut, il y a moyen de passer un son s'il te plaît? Bah, dis-moi lequel Julien, on peut voir. Brian du Danemark, salut Vince et les autres, désolé, pas trop sur énergie, j'ai dû chercher internet pour voir le match Belgique-Suisse. Comment allez-vous? Bis du Danemark. Eh ben, bien, re-bienvenue à toi mon pote. On va très bien, merci. Et d'ailleurs je salue Elisa qui nous écoute, les amis d'Espagne. Oh. On a eu un auditeur qui nous écoute du Danemark, là, et Brian qui est connecté, et Elisa nous écoute du Danemark. Et vous voulez me demander si le projet Hello Crowd il était possible également via les pays qui étaient hors Union Européenne. Bah, je peux vite aller demander hein, s'il faut. Alors, vas-y, va demander vite. Ok, ça va. C'est intéressant quand même. Salut Vince, je suis nouveau, je m'appelle Trey. Hey, bienvenue à toi, Trey, bienvenue mon pote. D'ailleurs, ton Insta, visiblement, c'est Trey_NHM. Eh ben salut à toi. Il y a Kevin aussi qui est connecté là. Salut Kevin. Allez la Suisse. Mais comment ça allez les Suisses? Où ça allez les Suisses? Bah chacun est pour qui il veut. Ah oui bien sûr, d'accord. Mais bon, on va pas déconner. Salut Vince, comment envoyer? Eh ben salut à toi. N'hésitez pas à signer vos messages. Il y a plein de nouveaux, ils signent pas leurs messages là. Moi je sais pas qui vous êtes à la longue les amis. Il faut me dire. C'est Ryan qui m'a envoyé ce message. Eh ben merci à toi Ryan. Laurentiou qui est là. Bon week-end grand. Merci Laurentiou. Najat, bonsoir la team. On est là. Bisous Vince. Il y a Alim aussi qui est connecté. Il y a Maxime. Salut l'équipe. Bon vendredi à tous et profitez bien de votre week-end. Merci. Pour ma part, ce sera un week-end de taf. Ah, bon, il m'a pris le bourrelet là. Ça va Zendrilla? Pourquoi tu me chatouilles comme ça? Ça roule, toi. Et arrête, t'aimes trop me toucher, toi, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que c'est comme ça qu'il a débloqué tes phobies. En me touchant. Il t'a pas dit, il t'a mis sous hypnose. Ouais, il m'a mis un doigt dans le pet. Zendrila, je te présente ma mère, t'as vu, c'est ma mère, elle est là, on est vendredi. Ah, bonjour, maman. Voilà. T'avais jamais rencontré ma mère, Zendrila? Non, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je l'ai vue en train de flipper sur une attraction de la gare du Midi. Oui, oui, effectivement, le genre de blague que je fais à ma mère. Je l'ai fait monter dans une attraction. Oui, c'est le week-end, les amis, c'est vendredi, il y a ma mère qui est là, tranquille. Ça va, maman? Tu vas bien? Vas-y, installe-toi un peu, allez, installe-toi. Allez. Quoi, t'as perdu Anaïs? Elle est là, t'inquiète pas. Installe-toi, mon, viens. C'est la fille de Vince. Assieds-toi à côté de Lara, viens. Venez, oh là là. Mais oui, à ce point-là. Les amis, je vais devenir une vedette. C'est la magie, franchement. Vous savez, la radio, c'est comme ça. Je pourrais faire genre non, maman, c'est bon boulot, tu rentres pas. Ma mère, elle est là. J'étais mangé avec elle en face. D'ailleurs, maman, plus jamais du vin rosé, s'il te plaît. Hein, mollo quand même. Hein. Non, mais s'il te plaît, quoi. C'est pas bien, t'es en train de dévergonder ton fils, c'est incroyable ça. Oh ben écoute. Comment ça? Incroyable. Vas-y, prends le casque. Attends, il a dit quoi, Zendrila, là? Pour une fois qu'il se passe un truc intéressant, c'est ça que t'as dit? Il était temps que tu fasses quelque chose d'intéressant. Enfin, vas-y, fous-toi de ma gueule, toi. Respectez-moi un peu, la bande de salauds. Ah non, je dois être poli, il y a ma mère qui est là. Ça va, maman? Ah oui, très bien. Tu vas bien? Ah, super, Vincent. Voilà. Bobo. Arrête, hein. Arrête, je vais mettre mal à l'aise. Hein. Ah, même ta fille, elle se... Genre, il y a ma fille qui est morte de rire, là. Voilà, bon, les amis, vendredi, c'est l'émission un peu plus cool. On lit toujours vos messages. Il y a des bons moments de l'émission qui vont arriver. On va venir en aide à vos auditeurs qui ont besoin d'aide, là, ce soir. Si jamais vous avez un stress que vous n'arrivez pas à dépasser, vous avez vraiment une peur en vous, une situation qui est vraiment difficile, et ça peut être n'importe quoi, hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui vivent avec des problèmes au jour le jour, qui ont peut-être peur de s'adresser à leur patron, peur de s'adresser à leurs parents, peut-être des parents qui ont peur de leurs enfants. Sérieux? Vraiment, oui, ça existe de ouf, ça, hein. Quelle que soit votre névrose, votre souci, et avec le micro, c'est mieux. Et t'as dit quoi? Non, tu vois là, ton micro était éteint. T'as dit quoi, Zendrila? Je connais une dame qui supporte plus son fils. Arrête, c'est pas vrai, Daniel. Ça. Pourquoi tu dis ça? Il s'appelle Daniel. Arrête, putain. Et c'est pour ça qu'elle m'a fait venir. Mais... il est alcoolo, il boit du vin. Mais et c'est tout. Bon. Je dois venir travailler sur ses addictions. Tu m'as fait une image qui est même pas la mienne. Allez, Bobo. Il se fout de ma gueule, Zendrila. Ça, il en profite. On n'en rajoute pas. Je dois dire quand même que on travaille ensemble depuis. Ton truc était éteint. Non, ton micro est allumé. Tu sais, Daniel, on travaille ensemble avec Vince depuis quand même pas mal d'années. Mais toi, je sais, depuis combien d'années? Depuis 30 ans que tu te le farcis, lui. Mais bravo! Mais t'es une sainte! Mais, bah, allez-y, profitez-en, profitez-en pour poser des questions sur ma vie, tiens. Alors allez-y, profitez-en. Il a fait pipi au lit jusqu'à quel âge? Ah bah vas-y, on jure pour la. Non, ça c'était vite terminé. Hein. Voilà, merci. Le problème c'était caca au lit. Voilà, bon, vous avez compris, il y a ma mère qui est là. Si jamais vous avez des problèmes, les amis, comme je vous l'ai précisé, n'hésitez pas à envoyer-nous un message, expliquez-nous quel est votre souci. Zendrila peut vous aider, 0492 222 002. Des bons moments d'émission, ça va être à écouter tout à l'heure sur Énergie. Il y a Miss qui nous dit salut l'équipe, passez un bon week-end, je vous adore comme toujours. Et c'est Héloïse qu'elle s'appelle en fait, Miss. Merci à toi, Héloïse. Salut toute l'équipe, je voudrais dire à ma femme que je l'aime. Oh, message bien passé. Bien. Salut la team, je vous adore. Ma compagne est morte de rire, elle comprend rien du tout. Elle m'a dit, elle doit apprendre le français, lol. Eh ben, dis à ta... oui, parce que c'est notre auditeur du Danemark qui est en train de nous écouter, hein, je tiens à le préciser. Alors, je dis à la demoiselle, Vince, R, I use it. Voilà, c'est comme ça, hein. Voilà, ça veut dire Vince est dans la maison en danois. Voilà, comme ça vous savez. Trop bien, merci. Vince, c'est trop fort que tu mettes ta maman au micro. Est-ce qu'on peut lui poser des questions? Bon, on va y aller mollo, mais allez-y, profitez-en pendant que ma mère est là. Lara, si t'as des questions à poser. Nigel, peut-être si t'as des questions à poser. Mais t'inquiète, on cherche parce qu'on va pas en poser 50. On va trouver la question. Je sais pas, voilà, profitez-en. C'est un événement que ma mère soit là. Moi, je sais pas. Moi, j'ai toujours une petite question. Est-ce que Vince a déjà trahi des amis? Est-ce que Vince, pardon, a déjà trahi des amis? C'est une question étrange, non, quand même. Je pense pas. C'est hyper étrange comme question. C'est vraiment étrange comme question. Mais non, mais en fait, j'ai confondu ta daronne avec Véronica. Et ma mère qui dit, je pense pas quand même, non. Non, c'est pas son genre. Eddy, vas-y. Mais moi, j'ai une petite question. Hein. Comment vous faites pour vivre tous les jours, enfin, vivre avec Vince tous les jours? Parce que moi, c'est vraiment dur. Je vous dis, ouais, c'est vachement dur. Mais... on vit plus ensemble depuis 6 ans. C'est quoi son plus gros défaut? Ça fait 6 ans que j'ai quitté la maison, man, déconne pas. Il a pas de défaut. Oh, elle est mauvaise. J'ai des défauts. Arrête, j'ai des défauts. Ça m'en veut, quand même. Je suis très mauvais pour payer mes factures. Je galère toujours pour payer mes factures. Heureusement, mon mari est toujours là pour me dire, pour me le rappeler 10 fois. Ah, il y a des choses que je comprends mieux maintenant. Ouais, mais toi, tu travailles pas avec facture, toi. Alors. Parce que t'as jamais payé, ou sinon je t'en aurais payé. Le bâtard. Par contre, ça part en private joke. Il est en SBL, le pauvre. En SBL. J'ai pas d'autres questions, allez-y, il y a ma mère qui est là, profitez-en pendant qu'elle est là, c'est un événement. Hein, c'est... Non, c'est quoi la pire connerie que Vince s'est faite? Ah oui, ça je sais. C'est à cause de moi. Ah bon? Du coup, oh, on en a parlé hier en plus. C'est faux billets. Hein. C'est faux billets. Ouais, j'en ai parlé hier dans l'émission. J'ai été faux monnayeur quand j'avais 11 ans. Ma faute. C'est un trader de l'époque. Pourquoi c'est ta faute? Mais parce qu'elle t'a offert un scanner et une photocopieuse. Non? Ah, parce que vous l'avez incité en à fait, non, parce que je vous explique. Non. Moi, parce que j'avais besoin de thunes pour ma drogue. Il est ouf. Non, parce qu'en fait, j'ai fait le recto. Ma mère m'a dit... Fais le verso. Et donc, du coup, j'ai appris mes recto verso. Moi, j'étais là en mode, ah, je vais faire qu'une face, tu vois, comme ça, on voit bien que c'est faux. Ma mère, elle m'a dit, mais non, il faut qu'Odéric ça ressemble à un vrai. Voilà. J'avais raconté cette histoire hier, je vous avais dit que j'avais fait de la garde à vue à cause de ça, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait garde à vue avec ce truc. Exact. Ouais, mais tu sais que nous, on pensait que t'étais en train de vanner hier. Ah, mais non, c'est la vérité. En fait, tout ce que tu racontes sur ta vie, c'est réel. Mais vous croyez que quoi que je m'y donne? Vous êtes où, quoi? Non, j'ai vraiment fait des faux billets quand j'avais 11 ans. J'ai dû aller à la police et tout, et parquet. Oui, en plus, on m'a appelé au boulot. Ouais. Et j'ai cru que Vincent avait eu un malaise, quelque chose comme ça. Ouais, j'étais du genre fragile, alors, j'étais fragile avant. On m'a dit non, il est cool des faux billets. Ouais, on a dit j'ai cool. Il n'y a que ça. Ouais, en fait, c'est ouf parce qu'on m'a dit j'ai cool. En fait, je faisais rentrer ça dans le système monétaire alors que c'est pas vrai, quoi. C'est n'importe quoi. Mais non. T'as un bisou de Najat et de Brian et de plein d'auditeurs, en fait, moi, qui t'envoient plein de messages. Stéphanie aussi, il y a Fredo qui t'envoie un coucou, il y a Antoine aussi qui t'envoie un coucou. Ah, voilà. Super. Il demande c'est quoi ton Insta. Ma mère est pas sur Insta, laissez-la tranquille. Vous êtes mais elle a Snapchat. Voilà. T'as Snapchat, non? Snapchat. Non, t'as pas Snapchat. Par contre, je m'y tenais. Elle a vraiment Instagram. T'as Instagram, maman, toi? Oui. Tu sais faire des stories sur Insta? Non, bien ce qu'il me semblait. C'est pas grave. T'es timide d'être à la radio? Ah, ça me fait un choc. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas l'habitude, quoi. Mais après 10 ans d'ancienneté de vie, vous avez jamais fait de radio? Non. Jusqu'ici, il croyait que son boulot, c'était une blague. Non, si, une fois, je t'ai fait passer au micro. Quand c'était mon anniversaire, t'es venu et je t'ai fait passer au micro. Ah, effectivement. Voilà. T'as un coucou de Lison et de Jonathan. Merci, les amis. C'est gentil pour tous vos messages, là. C'est vraiment gentil. Voilà. Super. Bon, c'est bon, vous avez fini avec les questions avec ma mère. On peut la laisser tranquille maintenant. Ouais, c'est bon, on peut la laisser rentrer. D'accord. Moi, je veux qu'elle reste. D'accord. Et maintenant, ton ex-femme. Non, merde. Ah, putain, tu me fous dans la merde. Alors là, bordel. Ah, mon Dieu, là, tu ramènes les pires maladies, là. Ah non! Vous avez pas l'odeur, mais Vince vient de se faire dessus là. Mais ouais, je suis chié dessus. Si ta maman avait l'occasion de faire une émission sur énergie, elle ferait quoi? Ça, c'est une question de Aizou. Est-ce que si t'avais l'occasion. Sur Nostalgie. C'est grave. Mais non, le morning. Tu ferais quoi comme émission, maman, si t'avais l'occasion de faire une émission sur énergie? Retour dans les années 30, le top 30. Non, Et elle danse, elle connaît plus la musique que toi, Nigel. On va se calmer. Les Poulaines de Gang, machin. Ah. Pas mal, ça, pas mal. Ah, pas mal, la vraie musique. Et attendez, vous savez que ma mère. Elle mettait des instruments, il n'y avait pas de. Pourquoi je rigole? Vous savez que ma mère, elle s'y connaît grave en hip-hop. Bah oui. Ma mère, maman, t'es née en quelle année? Ah, tu peux le dire, c'est pas grave. Oui. 49. Voilà, ma mère est née en 49. Faites le calcul, elle a l'âge du sexe, hein, ma mère, avec tout le respect que je te dois, maman. 69. C'est érotique. Voilà. Alors, attends, je vais improviser un blind test. On va voir si ma mère connaît. Hein. Non, arrête, quoi. Ah, oui, on joue tous. Et nous, on peut jouer. Moi aussi, je suis vieux. Là, t'es né en 29, toi. Moi, je t'emmerde. Attends, juste pour ma mère. Tu vas voir, je vais tester des trucs que j'écoutais quand j'étais ado. Des petits machins. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, je vais mettre. Bah, ça, c'est pas mal. T'es prête, non? Oui. Y'a que toi qui joue, hein. C'est parti. Eminem. Ouais, bravo, votre réponse, Eminem, ouais. Ah joli. Oui, bon. Mais applaudissez, bande de haineux. Alors. Marshall Mazur. Oh, bravo, ouais. Bah ouais, carrément, dit. Ah ouais. Et ça, c'est quoi, maman, ça? Elle a failli le dire avec un B, quand même. Hein. Et ça c'est quoi, maman? Snoop Dogg. Ouais. Je suis mort. Elle connaît plus qu'il dit, wesh. Ah, attends, qu'est-ce que j'ai encore? Et ça? Hold up. Hey. Dr. Dre. Ouais. Wow. Oh. Allez. Ah ouais, elle est drillée. Hein. Le prochain épisode. Hey, t'inquiète. Ma mère, elle connaît. Ma mère, elle connaît. Et ça, c'est quoi, ça, maman? Ma mère, elle est en, elle a 69 ans. Non, c'est comment pas lui, c'est le frère. Allez, le gamin qui est décédé, là. Oui, oui. On dirait, ici. Bon, la boîte de lait, c'est un témoignage. On dirait, écoute. Je mets sa voix. Allez, la boîte de lait, c'est un tétrapack. C'était trop compliqué, là. C'est trop compliqué. Ouais, elle a dit un tétrapack. Moi, j'aurais pas trouvé. Tu compliques les choses. Un tétrapack. Et je le vois devant moi. Ah oui. On a même fait un film, là. Avec son bandeau, oui, là, oui, qui oui. A été de, un grand poster dans ta chambre. Ouais, grave, oui, j'avais un poster de lui dans ma chambre. Wow, un poster dans ta cellule. Dans ta cellule. Gang, gang. Gang, gang, pendant que tu sais. L'univers carcéral. Ah, tu sais plus qui c'est, ça. Tupac. Oui, bonne réponse. Ouais. Ah, merde, quoi. Mais c'est bien. C'est bon. Il y a pas de gain, il y a pas de cadeau à la fin, donc calmez-vous. Mais toi, calme-toi, ouais. Hey, mais lui vient d'arriver. Hey, toi, retourne d'où t'habites. Attends, je vais mettre un son. Il y a pas de phobie enlevée. Tu fous. Tupac Shakur. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Alors, moi, est-ce que tu connais ça? C'est plus actuel. Chris Brown. Bon, ouais. Mais bon, ouais. Ouais, mais ramène la vraie musique, quand même. Mon petit favori. On le kiffe. Adorable. Hey, Daniel et moi, on kiffe Chris Brown. Hey, mais en fait, ça se voit vite, il l'a saoulé pendant 20 ans, mixé dans sa chambre. Non, en fait, Vince, il l'a fait répéter ce blind test pendant 25 ans, en se disant un jour, je montrerai ça et tout le monde sera heureux. Et ça, c'est quoi, man? Elle fait le signe des guns, hein, Daniel. Lil Wayne. Ouais. Ouais, bonne réponse, ouais, putain. Lil Wayne. Non mais attends, mais par contre, je suis choqué, frère. Et t'as vu ce que ma mère connaît? Attends, on va pas te faire une vidéo YouTube avec elle, hein. Daniel, si t'es chaud, on va faire des vues sur toi. Attends. Calme-toi, Nigel. C'est la mère de ton pote. Ouais, déjà, ouais. Mais c'est lui qui a des. Mais lui, c'est qui en fait? attends, un dernier. Ça, ça, tu vas jamais trouver. Ça, je suis sûr, tu vas pas trouver. Moi? Ouais, toi, tu vas pas trouver. Alors, c'est qui ça? Head down. Non, c'est un DJ. Et il crie son nom très fort. Et il est un peu gros. Il a un fils aussi. DJ Khalik. Bon, DJ Khalik, bonne réponse, ouais. Mais avec un artiste, son nom commence par T. Il s'appelle T. T-Pain, ouais. Non. T'as vu ma mère? Qu'est-ce qui se passe? 69 ans. Je suis choqué. Mais tu peux être outré. Tu peux être choqué, ouais. Attends, chérie, je fais un blind test à ta grand-mère. Et ça, bon, c'est quoi ça? Attends, je vais. C'est le dernier après, hein, parce qu'on va se calmer un petit peu quand même. Hein. Oh, il est facile, franchement, il est facile de ouf. Et ça, c'est trop facile, ça. You used to call me on my cell phone. Voilà, oui, merci. Merci. Et c'est sur Drake que nous terminons ce très beau blind test avec Daniel. Peut-être un dernier. Oh. C'est actuel, hein. Vous avez ouvert, elle chante. Rihanna. Bonne réponse, ouais, Rihanna, ouais, voilà. Merci. Et applaudissez ma mère, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il y a, Nigel? Genre, elle t'a regardé avec sa main en mode: ah, oh, frère, c'est Rihanna. Ah non, c'est ouf. Et il y a beaucoup de messages qui sont arrivés pour toi. Hey, faites un coucou à ma mère quand même. Hein. Salut les amis, vous allez bien? Purée, elle est vachement calée, ta maman. Big up à elle. Salut Vince, je suis une maman. Mon fils, il a 15 ans, il écoute toutes les musiques que t'as passées. Moi, je connais rien. Et mais respect à ta maman qui a 69 ans, qui connaît tout ça. Big up. Non, tu dois lui faire faire le Kiki Challenge dans ta smart. Là. Le Kiki, do you love me? Tu connais mon Kiki Challenge? Non. Attends. Je vais lui passer le son. Et tu me dis, tu connais, c'est quoi encore le titre du... In my feelings. In my feelings. Ouais, grave. In my Kiki. Alors tu me dis tu connais moi, tu me dis tu connais. J'avance un peu. Je sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est drôle ça. C'est étonnant. C'est trop récent. Mais écoute, non, je peux pas. Danny, do you love me? Are you ready? Eh, ça fait le buzz sur internet ça. Je suis sûr que t'as regardé des vidéos là-dessus sur Facebook. Avec des gens, ils sortent de leur voiture et tout ça. T'as pas vu ça? Ah, sûrement, mais il y a Drake là-dedans. Ouais, votre réponse, voilà. T'as vu, elle reconnaît la voix de Drake, ça fait ouf. Elle va jusqu'à reconnaître la voix de Drake. Elle a commencé à chanter, elle a dit. Mais il y a Drake là-dedans. Ah non, mais c'est magique. Hein. Bon, voilà, je pense que c'est tout. On me dit encore un dernier, Vince, je suis sûr que tu lui trolles. Non, je lui trolle pas les réponses. Attends. Non, yeah. Je donne pas les réponses. C'est un peu vieux, c'est un peu vieux. Ça, c'est la voix d'un rappeur, ça. Il est en couple avec la meuf. Il est en couple avec... Un rappeur qui est en couple avec une chanteuse, hein. Jay-Z. T'as dit quoi? Ouais, Jay-Z. Jay-Z, ouais, la chanteuse, c'est... Attends, j'avance. Jay-Z en couple avec qui? Elle a reconnu Jay-Z, elle a pas reconnu l'autre. Quand t'as envie de dormir, t'as envie d'aller... Beyoncé. Beyoncé, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, ouais, bravo. Elle, respect à elle, elle a 69 ans, elle connaît tout, c'est un truc de ouf. Elle est excellente, ta maman, bonsoir à elle, voilà, petit message. Et encore un dernier message vocal qui est arrivé, je sais pas si dans le contexte ou pas. Ça dit quoi? Hey, c'est les mecs qui sont en train de chanter. Les potes, Vince est dans là. Maison, merci. Eh, hey, bisous, man. Il va être temps pour vous de rentrer là, non? Oh putain, oui. J'y pense, j'ai commandé votre Uber en plus. Mais non, c'est une blague, il ouais, l'adore. Ouais, si. Ah non, j'ai pas fait confirmer la prise en charge. Okay. Ouf. Non, putain, j'ai eu chaud. J'ai dit des gros mots alors qu'il m'a fait. Qu'est-ce qu'il y a, Anaïs? Qu'est-ce qui se passe? Le micro, dans le micro, je t'entends pas. J'ai un casque. Papa, quoi? Je voulais. Oh, tu fais chier, toi. Quoi? Comme ça. Hein? Un quoi? Comme ça. Il faut le dire, ma chérie. Une chanson quand je veux. Tu veux aussi une chanson, toi? Oui. C'est quoi la chanson que tu veux? Dans le micro, parce que je t'entends pas de loin. Hein. Tu dois mettre une chanson quand je sais ou je sais pas. Arrête. La fille de Vince invente des jeux en direct. T'as vu? Non, mais en fait, elle veut aussi faire un blind test, ma fille. Ma fille, vas-y, c'est trop facile. Je vais lui mettre un truc. Regardez ça. Quand on a une fille de 5 ans, regarde le truc. Hein. Attends, hop, voilà, je vais taper ça. Tranquille. Ok. T'es prête, Anaïs? Allez, vas-y. Tu dis dans le micro, hein. T'écoutes bien. Thibaut. Non, c'est Elsa. Elsa. Bonne réponse, Elsa. Oh, oui. La reine des neiges, voilà. Oui, c'était facile, hein. On est bien d'accord. Voilà, attends, je vais t'en mettre un autre, Il est super simple, allez, le dernier, parce que là, voilà. Et tu sais, le mec qui fait de la radio, en fait, juste pour dire à sa fille avant d'aller faire dodo, tu vois. Merci. Ah oui, non, ça c'est une pub, ça sert à rien à voir. Hein. Hey, déjà 21h56, on a déjà fait une heure d'émission, là. Ouais, ça fait 30 minutes qu'on est sur le même truc. C'est vrai, carrément, en plus. Ah, c'est vendredi, on est bien, on est pour Zaye. Je sais, c'est quoi? Le Roi Lion. Bonne réponse, ouais, bravo. Allez, maintenant, il faut faire dodo, hein. T'as vu l'heure qu'il est? Il est 10h du soir, là. Il faut faire dodo maintenant. Hein. Oui. Voilà. Nous rentrons. Oui, rentrez, s'il vous plaît, parce que là, c'est... Passez une bonne soirée. Au revoir, Daniel. Voilà. Bisous, moi. Ton Uber est là dans une minute, hein. Ah oui, je suis là. Tonton Uber de Montréal. Tu arrives, tu dis de la part de Vince. Voilà, c'est tout. Allez, bon, bisous, les amis. Bisous. Bisous, moi, je vous aime. Bisous, ma fille. Bisous, mes amis. Allez, c'est parti, les amis, tout de suite sur l'énergie. On va accueillir Zenrila officiellement dans l'émission pour vous venir en aide et des grosses tranches de rire. Ça va arriver également dans quelques instants. Soyez les bienvenus, on est en live avec vous sur Energy. Welcome. Vince, 21h minuit sur Energy. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no

Avant d'avoir affaire à notre ami Zenry Lala, on va se faire un petit retour en arrière dans cette semaine avec le 10-6 de Bof, Christelle, et juste après Django, préparez-vous des mouchoirs parce que vous n'allez pas pleurer, mais vous allez avoir des larmes de rire. En tout cas, je vous le souhaite. Bienvenue sur Énergie. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. C'est parti. Musique. Générique. Hey. Bienvenue au This is the Bof. This is. Oh yeah. Ouais. La plus moche voix. Ouais. This is the Bof. This is the Bof. Christelle, est-ce que tu es là, Christelle? Elle est toujours là. Christelle à la maison. Christelle va chanter Copine de Ryan Nakamura. Ah, mes copines. Ah, mes copines. Et voilà, c'est ce qui va arriver. On va commencer. On commence avec qui, les amis? Christelle ou Django? Ah, Christelle. Hein. Christelle. Alors, on commence avec Christelle. Le meilleur pour la fin. Voilà, j'ai l'impression. Christelle, c'est parti. À toi de jouer, ma chérie. Donne-nous tout ce que t'as. C'est les auditeurs qui votent pour la personne qui était la meilleure à This is the Bof. La meilleure nulle, en fait. Voilà, ouais. Oui, la meilleure. Tu peux être meilleur dans le sens contraire. Hein. À toi de jouer. C'est parti. Vas-y, Christelle. Il m'a dit, Théo, je te rejoins au télo. Moi, je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai flow. Il m'a vu copine et je l'ai piqué. Je crois qu'il a la flash. Je demande toujours aux gens. C'est pas ton plan B. Donnez tout ce que vous avez, tu vois. Je réponds tes appels, tu crois que j'ai la flash. On leur demande de chanter le mieux possible, tu vois. Oh mon dieu. Trop tard. C'est Vincent qui va appeler la police. Mais tu es la plus grande bonne de mes copines. Un chien qui aboie. Mes copines, mes copines. Mais tu es la plus grande bonne de mes copines. C'est clair. Mes copines. Tu veux bombarder. Boum, boum, bombarder. Mais tu veux bombarder. Boum, boum, bombarder. Oh mon dieu. Tu plantes, plantes, plantes. Non, ça va, ça va, ça va. Merci, ma chérie. Merci. Oh là là. On nous dit, elle se fait agresser, appeler les flics. Oh merde. Oh les messages là qui arrivent. Mais sauvez-la, elle souffre. Elle souffre, sauvez-la. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. Ah là là, quel bordel ce passage là, franchement énorme. Et attention, ça continue, hein, le This is the Bof, là, vous l'avez demandé avec Django, vous avez absolument demandé de réécouter notre ami Django. Alors pas Django d'Adju, rien à voir, non, on parle de Django, c'est un auditeur qui nous écoute, qui est très fidèle. C'est pas son vrai prénom, c'est un petit peu son pseudonyme dans l'émission là. Et d'ailleurs, attention les amis, 1-0 pour la Belgique, oui. Ouais, merci, oui. Ah ouais. Et merci. Waris da Feste. Oh, attends, vous allez me dire c'est que la Suisse, mais la Suisse joue bien, la Suisse c'est pas une mauvaise équipe. Hein. Et big up à Christophe qui est là, Vince toujours au top avec ton équipe, je vous écoute en jouant à Overwatch, big up à tous. Bon les gars, même si je suis au lit, je vous écoute, vous êtes les meilleurs, hey, merci. Megan qui est là, mais elle aboie. Complètement. Salutations à Jonathan qui nous envoie un message vocal. Jonathan, ça dit quoi, John? Non mais sérieux là, elle vient de faire péter les vitres de mon camion. Au secours, arrêtez là. Attends, t'es pas prêt pour la suite, hein. Vince, tu veux bien faire passer un message pour moi, s'il te plaît? Ça vient d'où ça? J'entends un truc qui chante là. Ah, ça vient de l'ordinateur. Ok, d'accord. Sans blague. Ouais, et le micro de Lara. Oui, non mais c'est parce que. Je m'en fous. Non mais Lara, tu fais genre mon micro, machin. Pendant non, que j'ai levé mon micro, je t'ai entendu parler avec Zenry là. Mais non. Ah bah si, ah, ah vas-y. Ah bah tu m'as pas regardé alors. Ah bah. Tu me regardes pas assez a priori. Non bah si. Je suis dans ce coin-ci, mais ici, de l'autre côté de la table. Oui, très très loin, 10 km. Christophe qui est là, Christophe de Moutrou, près de Visée. Merci à toi Christophe pour ton message. T'as combien de trous? Eh, il y a un salaud qui le dit, 1-0 mais toujours pas d'étoiles. Bon, ça va, c'est bon, nous au moins on fait du beau football. 1-0 pour la Belgique, yeah, exactement, merci. Merci à Brian qui nous l'a dit aussi. Sébastien, salut la team, plus de Dominique. Bah écoutez les gars, vous le demandez à chaque fois, nous on essaie de l'appeler. Et pour l'instant il y a une messagerie le gars, j'espère qu'il a pas changé de numéro. Coucou la team, je peux faire un jeu aujourd'hui. J'ai pas pu la semaine dernière. Il y a Edwin également qui est là. qui nous envoie un message là. C'est quoi le message des dunes? Une seconde est dure. Panamera. Panamera. Merci. Porsche Panamera. Lilo qui est là aussi. Il y a Loïse aussi qui est là. Il y a David Boulanger là. Ça dit quoi, David? Dans la maison. Oh, ça va, merci, c'est gentil. Et salutations à Thomas Cap et à Lison également. Bon, les amis, avant qu'on se mette en mode Zenrina sur énergie, deuxième partie du This is the Bof. Ouais. Préparez-vous parce que là, c'est. Ça, c'est unique. Explosif. Ah, mais ça, c'est ce qui s'est passé là. C'était juste hallucinant. Écoutez ça et dites-nous ce que vous en pensez sur le WhatsApp. C'est le 0492 222 002 0492 222 022 002, ou sur le SMS 3018 si vous n'avez pas WhatsApp. Allez, c'est parti. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Vince est sur énergie. On va récupérer Django, à toi de jouer. Tu nous chantes Papa aux têtes de Stromae. C'est parti, à toi de jouer. Je prends mon micro, hein. Dites-moi d'où il vient. Après, je serai où je vais. Maman dit, lorsqu'on cherche bien, on trouve. Non, c'est pas ça. Elle dit qu'il n'est jamais très loin. Qu'il part toujours tout travailler. Il faut laisser jusqu'à la fin. Maman dit qu'elle est toujours très loin. C'est quoi ça, Alex? Bien mieux qu'elle accompagne que le mal. Mon doigt fait très mal. Mais non. Papa, où t'es quoi qu'on n'y croit pas, il y aura bien un jour où on croira plus. Qu'est-ce qu'il raconte? Un jour ou l'autre. Sera toujours papa. Et d'un jour à l'autre, on sera disparu. Papa, où t'es Non, mais. Papa, où t'es Elle est jamais coupée. Dis-nous qui dira. Dira un meuble. Comment ça? Comment on fait, papa? Merci, Django, merci. Django. Personne ne sait comment on fait, bébé. Allô, Django. Monsieur, je serai toujours sale. On sera touché, c'est ça. Brise les chaînes. Papa, où t'es Django, ta gueule. Papa, où t'es Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. La Vince est dans la maison. Oh, mariage, il fait chaud ce soir, il fait chaud. Hey, yo, sexy ladies, c'est le week-end. Big up à tous les taximans qui nous écoutent, ceux qui travaillent la nuit. Big up aux chauffeurs Uber. Merci à vous d'être là, connectés sur Énergie. Ah, ça fait du bien de faire un petit peu la fête. J'espère que vous allez bien, les amis. Le son de Lizzo Egg Boy, c'est ce qui va débarquer. Mais d'abord, Zenrida est dans la maison. Sur Énergie. Ça va, Zenrida? Tu vas bien? Ça roule. Ah, ton micro de préférence, voilà, comme ça c'est mieux. Non, mais c'est bien aussi quand son micro est coupé. Non, il nous dit des choses intéressantes. Comment ça va, Zenrida? T'as passé une bonne semaine? Super bien. Ah bah, je constate. Zenrida, tu es le Superman de la psychologie, le Superman des thérapeutes. Tu es non, la personne. Je fais pas mon calvar au-dessus de mon pantalon. Il fait plus ça, c'est fini ça, le nouveau costume de Superman, il fait plus ça. C'est démodé, les gars. Est-ce qu'il est toujours jaune, bleu, rouge, tout ça, ton costume? Il est toujours bleu et rouge, il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de jaune? Non, il n'y a pas de jaune. Mais avec le S, chez non Superman? Dans le S, ouais, il est doré, quoi. Doré. Il est doré. Jaune, hey, t'as pas lu la BD, hein? Bah, si, il est doré. Non, il est jaune. Et il est doré. Ah, je suis désolée. Ah non, mais il y a les vrais Superman et il y a le Superman vite fait pour les enfants. C'était en 1940. D'accord, ok. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Entre temps, bienvenue à toi sur Énergie. Et on a déjà plein d'auditeurs qui sont là, connectés, prêts à discuter avec notre ami Zenry. Là, on a Nathan qui est là dans la maison. Putain, salut Nathan. C'est ça, Nathan, Nathan, Nathan, Nathan, Nathan. Il est salement jaune, le logo de Superman. Oui, d'accord, c'est le truc dans le dessin animé. Mais moi, je parle du côté plus. Regarde, mets l'autre, le premier, c'est doré, tu vois. C'est pas vraiment, voilà. Du doré, c'est jaune, hein, frérot. Oui, d'accord, mais c'est pas. Regarde, même sur la pochette du film. Mais c'est l'ancien film, ça, c'est les films des années machin. Mais c'est des films de 2000. Enfin, 2005. Quand tu dis c'est l'ancien film, c'est 2005. Désolé, c'est il y a 2000, 10 ans. Bah 2005, il était naze. Superman Returns. Tu sais comment est-ce qu'on appelle ça scientifiquement parlant? Non. De la mauvaise foi. Oui, ouais, non, moi, bien sûr. Non, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je respecte Clark Kent. Il a une mauvaise foi, mais il a une belle voix. Ah, oh, c'est gentil. Plus rien, voilà. Et une belle grosse bite. Oh hey, doucement. Ça, je sais pas. Je précise que je te rappelle un truc, c'est qu'il y a ma fille qui est en train d'écouter dans le taxi Uber, là, dans l'Uber. Donc il faut arrêter de dire des bêtises. Ah oui, ils sont en train d'écouter Énergie en ce moment. Mais non, genre, tu vois, un beat de ce monde. Genre, tu vois, genre, mais ton casque Beats by Dre. Ah ouais, Beats by Dre. Voilà, exactement. Super, ah ouais, bien rattrapé. T'en as deux gros chez toi, début. Oui, oui, bon, ça va, tu restes calme un petit peu là, merci. Hein. Il y a aussi ma mère qui écoute. Et son Bluetooth. Bon. Entre-temps, comment va Nathan? Est-ce que tu nous entends, Nathan? Yo, salut Vince. Salut l'équipe. Nathan est à la maison. Salut Vince. Nathan, juste avant de lire ton message, il y a un message qui vient d'arriver. Ouais. Vince, t'as juste lu le début, c'est important, est-ce que tu peux le passer? Vince, veux-tu bien passer un message pour moi, s'il te plaît, à tous les camionneurs qui sont sur les routes belges et qui ne sont pas contents parce qu'il y a une taxe de roulage belge à payer? Eh ben, ce n'est pas moi qui fais les lois en Belgique et que j'ai un travail comme les autres et que passer un mètre à côté de moi quand je fais des montages au bord des routes, c'est quand même une vie avec laquelle vous jouez. Autrement dit, il y a des sympas, mais aussi big up aux camionneurs sympas. Merci d'avoir passé le message, Vince. C'est Pascal. Pascal qui travaille sur les bords des routes. Oh, bah, big up Pascal. Et il paraît que ta durée de vie, elle diminue, mais drastiquement quand t'es sur les bords des routes en train de travailler là-bas. Bah, c'est chose. Mais chaque année, il y a des gens qui se font choper, là, des travailleurs, des ouvriers, si. Parce que combien de fois t'as pas vu des camions mordre la bande d'arrêt d'urgence, par exemple? Jamais vu ça. Je vois plein de camions, ils mordent la bande d'arrêt d'urgence. Oui, mais pas quand il y a quelqu'un. Bah, enfin, si, ils font pas gaffe, ils voient pas parce qu'il fait tard et qu'on voit pas bien. En même temps, désolé, mais c'est trompé de rue. Normalement, ça, tu fais à rue d'Arscott, hein, sur les coins de rue, frère. C'est au crâne, n'importe quoi, là. Bon. J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Entre-temps, Nathan, il y a Zenrida qui est là, il t'écoute. Dis-nous un petit peu de quoi il en retourne ce soir. Okay, on attend. Ouais, donc je vais un peu parler de mon addiction. Par contre, les gars, vous avez mis ma batterie de GSM en PLS. Genre, j'ai 7%. 7%? Et ton chargeur, il est où? On va y arriver en 7%, t'inquiète ouais, pas. Ouais, j'espère. Mais ouais, donc en gros, j'appelais parce que quand j'avais à peu près 15 ans, genre en secondaire, on m'avait prescrit des médocs pour la concentration et tout, genre Concerta, Rilatine, etc. Aïe, aïe, aïe. Et je suis un peu tombé en mode, tu vois, dans l'abus parce que, enfin, dans l'exagération et puis aussi un peu dans la beuh, et donc ça tourne un peu autour de ces deux trucs. La Rilatine, la beuh. Est-ce qu'on peut m'apprendre c'est quoi la Rilatine? J'ignore complètement. La Rilatine, c'est un médicament qu'on donne pour les enfants qui sont diagnostiqués ADHD ou ADHD, c'est en anglais, TDAH et TDAH. C'est les gens qui, les soi-disant les enfants, ouais, qui ont des problèmes de concentration. J'aime bien le soi-disant parce que c'est vrai, hein. C'est-à-dire qu'en fait maintenant tout le monde dit ouais, mon enfant il est hyperactif, il y a 85% de gens hyperactifs en gros. C'est vrai, non? Ouais. On appelle ça kids cocaïne. On appelle ça la drogue pour les enfants, quoi. C'est juste un... Si tu regardes la structure de la molécule et tu regardes la structure de la molécule des autres drogues, c'est la même chose. Ouais, il y a beaucoup de similarités. D'accord. C'est un lobby horrible. C'est-à-dire, voilà, maintenant, ça rentre dans les écoles. Les parents ne savent pas quoi faire. Ils se disent, j'ai envie d'aider mon enfant. Les profs, ils sont, tu vois, enfin. Si tu veux aider ton enfant, achète une petite dose. Ouais, donc tu te sens coupable, ils te culpabilisent et tout. Donc tu donnes ça à ton enfant en pensant que tu lui fais du bien. Mais en fait, c'est hyper dangereux. Mais laisse tomber, ça le détruit. Mais c'est dingue ça ce que vous racontez. Ça détruit les là. Enfants. Thibaut, tu voulais réagir? Ouais, parce que c'est de plus en plus utilisé aussi pour ceux qui étudient en supérieur. J'ai beaucoup d'amis qui utilisaient de la Rilatine pour pouvoir étudier toute la nuit. Ah oui! Ça, par contre, c'est un truc de ouf, hein. Mais oui. Genre, mais... Non, mais moi, quand ma drôle, première, il y a un pote, il m'a dit, ouais, tiens, frère, teste la Rilatine et tout. Genre, moi, je suis hyper concentré avec. Je l'ai utilisé. Je voulais me suicider. C'est pas ah bon genre vraiment, hey, le lendemain, je voulais me suicider. Ah bah oui, bah genre, j'ai des pensées suicidaires et tout, mais genre ouais, hyper ouais, glauque. T'étais en bad. Ah ouais, non, mais j'étais en bad total, du coup, non. Et mais... on vend ça tranquille, bad pas de problème. Ouais. Non, mais si, non, tu dois avoir une ordonnance. Hein. Ouais, d'accord, mais bon, quand même, c'est chaud. Non, mais c'est une ouais, ordonnance, c'est... mais c'est un gros business, évidemment. Ouais. D'accord. Et du coup, bah, Nathan, toi, t'as une addiction à la rélatine et à la weed, voilà, c'est bien de nous en parler. Bah, Zenrida, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut aider notre ami Nathan, là, déjà? Donc déjà, il faut voir pourquoi est-ce qu'on l'a mis là-dessus. Est-ce que le problème, c'est que effectivement, par exemple, moi, mon fils, il est pour vous raconter ma vie, il est malade là. Ça fait 2 jours qu'il est à la maison. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai passé, je sais pas moi, une demi-heure à faire un circuit en le suivant parce que il a besoin d'évacuer. Tu vois, il a trop d'énergie et il a besoin d'évacuer. Et si elle évacue pas ça, eh ben, il peut être de mauvais poil, il peut être ci, il peut être ça. Et alors, le problème, c'est que maintenant, on supporte plus ça. Quand nous, on était gamins, on passait l'après-midi dehors à courir, à gueuler, à balancer plein de trucs. Mmh. Et alors, on se dépensait. Un enfant, ça a besoin de se dépenser. Un enfant qui bouge, c'est un enfant sain. Et le problème, c'est que maintenant, si toi, tout ce que tu veux, c'est être sur ton téléphone ou regarder ta télé et que t'as l'enfant qui bouge, tu dis, oh, il est hyperactif. Et tu vas chez le médecin et le médecin, il peut te donner des trucs comme ça pour des conneries, quoi. Et donc ça c'est le premier cas. Et ensuite il y a des enfants qui souffrent vraiment d'hyperactivité. Et là c'est intéressant aussi d'aller voir ce qu'il y a derrière. Mais tu vois lui il fait ce que font souvent les gens qui ont des addictions. Quand on ne règle pas la raison de l'addiction derrière, c'est qu'ils vont passer d'une addiction à une autre. Ah ouais. Et certaines personnes je sais pas ont une addiction à la coke. Et ils disent j'en ai marre et ils arrêtent. Et quelques semaines après ou quelques mois après, ils se rendent pas compte qu'ils augmentent leur consommation de coca par exemple ou de ils trouvent un substitut. C'est pas qu'ils trouvent un substitut, c'est leur inconscient qui va trouver ce moyen là pour évacuer. Okay. Et ça c'est parce qu'on n'a pas réglé ce qu'il y a derrière. D'accord. Ah, bah, alors du coup Nathan, toi ça a commencé vers quel âge là? Enfin, le truc, c'est que j'ai toujours eu ce problème depuis les primaires, mais mes parents m'avaient pas donné ce médicament, enfin, justement, avec ces considérations. C'est quoi ton problème quand tu dis j'avais ce problème depuis les primaires? C'est quoi ton problème? Donc, c'est de l'hyperactivité, enfin, de manière claire. En primaire, c'était clair. C'était une exagération. Et donc après, enfin. Ça allait entre guillemets, et puis c'est un peu revenu comme Nigel avait dit, aller vers la fin du secondaire et puis l'unif, tu vois, genre j'ai recommencé à en prendre, vu qu'évidemment quand t'as été diagnostiqué avant, tu peux te remettre dans la boucle entre guillemets, vu que c'est légitime. Mais le problème, c'est que j'ai pas réussi à ça m'aide vraiment, tu vois, mais quand on te donne ça et t'as pas eu de suivi et t'es un peu tout seul, et t'es un peu, enfin, maintenant, tu vois, plus personne te suit vraiment, puisque t'es entre guillemets un adulte, enfin, tu dérapes vite dans le, il y a un effet de fou, tu vois, tu te sens super bien, c'est, je sais pas si vous avez déjà vu le film Limitless. Oui, ouais. C'est clairement ça, tu vois, genre, tu comprends des trucs, des dingueries, et il y a des effets, genre, comme Nigel l'a dit, il y a des effets où t'as, des fois, t'as envie de te suicider, mais, ton cerveau tourne à du 100 à l'heure. Dans Limitless, c'était une fameuse drogue qui te permettait d'accéder à tout ton cerveau, à l'inconscient, au subconscient. Parce et... on dit que le cerveau, enfin, les personnes utilisent 5% de cerveau ou vraiment pas grand chose. Donc, c'était genre une pilule que tu prenais et tu devenais hypersensible. Voilà. Et, Si tu coupes la partie qu'il vient de dire, quand il explique les effets, et juste avant, tu dis, tu changes ce qu'il a dit, tu mets un type, il dit qu'il prend une autre drogue. Ouais, c'est la même chose. C'est exactement les mêmes effets. Vrai. Ça pourrait être l'effet de la cocaïne. C'est exactement les mêmes effets. Moi, je sais pas du tout. Cette sensation d'être un super-héros, ainsi. Ouais. Et il y a un certain stress, on l'entend dans sa voix. Mais de toute façon, il y a un stress de fond. Mais du coup, Nathan, genre, quand tu prenais de la rélatine et tout, est-ce que tu avais l'impression d'être plus concentré, de retenir plus de choses ou pas? Ouais, franchement, je dirais oui, pour être honnête. Mais d'un autre côté, je sais pas après si c'est aussi... Tu vois, t'as les faits, ça peut être un bête placebo ou quoi, mais moi je dirais oui totalement, mais ça vire vite à l'abus, tu vois, c'est super dur de se réguler avec ce genre de trucs. Et c'est drôle, j'avais un pote, pour que je me parle de ça, qui était hyper actif en classe, on était même jusqu'à la réto, tout le temps excité, tout le temps, qu'est-ce qu'il a de partir dans tous les sens et tout ça. Et il a été voir un médecin qui lui a conseillé de prendre, enfin, qui lui a souscrit, prescrit du Xanax. Wow, Et le Xanax, c'est un antidépresseur, c'est ça. Dormir, ça. Ou c'est, non, c'est parce que une espèce de relaxant. Je m'y connais pas du tout. C'est pas des benzodiazépines. D'accord. Mais c'est étrange, quoi. C'est vraiment, donc en fait, quand t'es juste, t'as peut-être un trop plein d'énergie, on te demande de prendre des médocs, c'est chelou. Mais pourquoi quand les gens sont alors, beaucoup d'énergie. Mais parce qu'on vit d'énergie, dans une société, il y a les lobbies des pharmaceutiques. Il paraît qu'on est le plus gros consommateur d'Europe en termes de médicaments, nous, en Belgique. Pour le petit pays Si. À l'échelle de notre nombre d'habitants, c'est proportionnel, on est le plus gros consommateur. C'est une culture, c'est vraiment une culture. C'est vrai, quand tu vois ma mère, elle sait pas dormir, boum, tout de suite elle prend un médicament. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est chelou. Tu vois, je sais pas dormir, je regarde un petit truc. J'ouvre Netflix, je m'endors, je te jure. J'ouvre Netflix, je regarde un truc et puis boum, je tombe. Ah, par contre, moi, c'est un truc de ouf, j'arrive pas à m'endormir avec un écran allumé. C'est vrai? Ouais. Moi, dès qu'il y a un écran allumé, j'ai l'impression que ça m'hypnotise et bam, je tombe. Mais alors, du coup, Zenrila, comment est-ce que Nathan, il doit identifier, il y a un malaise, il y a un problème quelque part. Pas forcément, peut-être bien, je sais pas. Comment est-ce que Nathan pourrait l'aider concrètement par rapport à ça? Mais déjà, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il se sent, qu'est-ce qu'il sent à ce moment-là. Ouais. Est-ce que. Et peut-être l'aider à s'il peut pas régler ce problème, c'est à mieux vivre avec ce problème. Ouais, voilà, c'est ça. Et parce que il y a plusieurs personnes qui ont réussi, qui ont le TDA et le TDAH, et ils expliquent que ils ont appris à l'utiliser pour eux. Parce que le problème de concentration, ça te permet d'être super focus si ça te plaît. Et être incapable de te connecter, ça t'emmerde. C'est vrai, ouais, complètement. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont super bien réussi en trouvant ce qu'ils aiment faire, et du coup, ils parviennent à être mais super performants. Méga concentrés dedans, quoi. Parce que, et donc, du coup, c'est un capteur, tu vois, qui te permet de savoir si ça t'intéresse ou si ça te fait chier. Alors, c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu me donnes... Ah, pardon, je coupe mon micro à moi-même, tu sais, je m'excuse à moi-même. Pardon, Vince, pas de problème. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, en fait, ont un peu ce profil de pouvoir se concentrer dans quelque chose qu'ils aiment et qui n'arrivent pas du tout à se concentrer dans quelque chose qu'ils n'aiment pas. C'est vachement la génération actuelle, j'ai l'impression, mais c'est pas toutes ces générations-là qui a, entre guillemets, un problème. Mais on dirait que selon l'éducation nationale, entre guillemets, l'enseignement, il y a un problème. C'est pas normal d'avoir des gens qui se concentrent que dans ce qu'ils aiment faire. C'est comme si on te demande d'être concentré dans absolument tout, tu vois. Mais aussi, le truc, c'est que avant, il y avait des gens qui souffraient de d'hyperactivité. Maintenant, un enfant, quand tu vois que t'as des gosses qui sont dans les poussettes, et il y a des porte-tablettes sur les poussettes, ça veut dire que tout ça, c'est des enfants qui ne jettent pas cette trop-plein d'énergie. Ah oui, je vois, ils sont bloqués, quoi. Et à un moment, il faut que ça sorte, quoi. Ouais, voilà. Et alors, ça va prendre d'autres tournures, mais des enfants, ça a besoin de bouger. Tu préconises quoi, du sport, activité Non, mais t'as une musique qui vient, c'est pas grave. En fait, il faut se dépenser, quoi. Faut trouver une activité, en tout cas. Pas pour Nathan. Pour Nathan, il faut aller voir plus loin. Les enfants. Mais un enfant, il faut que ça bouge, il faut que ça gueule, il faut que ça fasse des conneries. Il faut que ce soit un enfant, quoi. Eh ben, écoutez, les amis, on en parle juste après. Lizzo avec Boys. Bienvenue sur Energy. 1-1 pour la Belgique contre la Suisse. Avec un but qui a été raté par Lukaku. Incroyable, on arrive tout de suite. Baby, I don't need you. Just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, yeah. I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? amis, il y a une bonne nouvelle. Wow, wow, la Belgique. Encore une fois, encore une fois. Wow. S'il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider. Vince. Yeah. Vite Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince est sur énergie. Et Vince est dans la maison. Lukaku est dans la maison. Et il s'est rattrapé de son gros raté, hein. Purée, il a raté un de ses presque goals là. Ouais, de ouf. Et là, tout d'un coup, c'est bon, c'est 2-1, Belgique contre Suisse pour l'UEFA Nations League, les amis. Romelu Lukaku, merci pour vos messages, il y en a plein qui arrivent. Vince, c'est qui le type qui parle? C'est Zenrila, les amis, zenrila.be, si vous voulez avoir plus d'infos sur cette personne qui peut vous aider à vaincre vos peurs, vos phobies, vos stress, vos névroses, il est là pour vous. Zenrila, Z-E-N-R-I-2-L-A, sur Instagram, Facebook. T'es sur Insta, Facebook, la totale, on est d'accord, hein? Ah, excuse-moi, avec ton micro, ça va être mieux. Voilà. YouTube aussi. Et YouTube aussi. Bah, n'hésitez pas à taper ça, comme ça, vous pouvez voir un petit peu de quoi il en retourne. Edwin nous dit, Vince, moi j'ai 33 ans, j'ai toujours été enfanté. Je suis un bel enfant, je fais 1m65 pour 80 kilos. Et c'est vrai qu'à part la marche et le snack, je ne vois pas d'autre moyen de me défouler. Un enfant, une personne qui a été enfantée. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est le bon terme, je ne sais pas. Je sais pas ce que veut dire. Dorloté, il veut dorloté peut-être. Infantilisé. Infantilisé, ouais. Ouais, c'est un mot bien belge, dorloté. Hein. D'accord. Vince, le Diable Rouge dans la maison, grave. Vince, moi je prends de la Rélatine. Alors on en parle avec Nathan. On va passer à Laura et Olivier. Ils attendent dans le standard aussi, les pauvres. Hein. Ils veulent discuter. Ah, Nathan, son téléphone a coupé, je crois. Bah, on a perdu, ouais, le pauvre, il avait 7% de batterie. Mais en tout cas, on va le contacter sur WhatsApp pour. Son téléphone n'était pas sur Rélatine. Ah, bah, oh merde. Ta blague était chelou. Hein. On est en train d'essayer de le rappeler. Ah, bah non, la coupe. Non, pas du tout. Non. Je sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas, c'est pas grave. Hein. Laura est dans la maison. D'abord, on va voir si c'est d'abord dans la maison. Allô, Laura. Allô. Laura est dans la maison. Ouais. Ouais, Laura, ça va et toi, Laura, tu vas bien? Ça va, très bien. Ah, formidable. Laura, bienvenue à toi sur Énergie. Laura, Zenrila est là, il est là pour répondre aussi à tes questions. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, explique-nous quel est ton problème à toi en 20 secondes, là, comme ça. D'accord. En fait, moi, j'allais parler de mon shopping, mais là, en écoutant Nathan, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai une addiction de chicha. C'est abusé. Ah, une addiction à la chicha. Oui. Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est comme la cigarette, tu deviens très très vite addict. Hein. C'est ouf. Oui, Nadia, c'est le spécialiste c'est des chichas ici. Non, mais tu sais quand même. Alors là, lui, c'est le. Non, mais fumeur de chicha. Non, mais tu sais que c'est vrai, hein, parce que, enfin, on va le dire, genre avant, quand on allait animer en France avec Lara et Vince. Ouais, tu ramenais ça à la radio. Ouais, déjà ça. Non, mais genre après l'émission, j'allais à la chicha. Et maintenant, tu vas encore à la chicha? Ah non, très rarement. Mais quoi, mais c'était une addiction? Pas une addiction, mais enfin, t'es là avec tes potes, tu craches de la fumée sans l'avaler, donc c'est cool. Non, tu l'avales. Ça vient hein. Quand même dans ta bouche. Hein. Mais non. Ta bouche est perméable, a priori. Ouais, c'est tu comme peux avoir le cancer de la langue. Mais simplement le fait d'être dans un bar à chicha, tu respires. C'est la soirée. Ah, donc, je suis content d'être là. Donc, et c'est du charbon, quoi. Donc, c'est pire que le tabac. De ouf, de ouf. Les amis, on en parle dans quelques instants. Laura, bah, c'est son souci, là. On en parlera. On va en parler tout de suite. L'addiction, bah, du coup, au tabac. Hein. L'addiction à la cigarette, c'est un peu le même délire. C'est à la chicha. On en parle tout de suite sur Énergie. Bienvenue, 22h32. Dites-nous si vous avez des addictions, des soucis. Vous voulez en parler. N'hésitez pas. Même en texte sur WhatsApp, Zenrila est là pour vous. Chaque matin, vous vous réveillez avec énergie. C'est le 6-9. Elle est incroyable. Elle est juste incroyable aujourd'hui, mais elle est incroyable. Ah là, bah, je pense qu'elle a mangé ce matin, mon pote, mais. Des pims. Le 6-9 sur énergie, lundi. Lundi, dès 6h. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Broken heart strung over your shoulder. Faire quoi ce soir ? On va tout casser ! Hey ! On va tout casser ! Hey ! On va bon. Tout casser ! Hey ! Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Allez, let's go sur Énergie pour le son de Rudimental avec Major Lazer, Anne-Marie, Let Me Live. On parle avec Laura, avec Olivier dans quelques instants. Et Zenrila, qui est notre invité, allez mater ce qu'il fait sur Instagram d'ailleurs. Zenrila, Z-E-N-R-I-2-L-A. Bienvenue sur Énergie. Things I see, and then I say to myself, it's never as it seems. 'Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. 'Cause you are the one, you rule your world. No bad man on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Marrez-vous seulement, marrez-vous. Vince est dans l'art. Sur Energy, les amis. Bon, c'est fini le match Belgique-Suisse ou pas encore là ? Dans 15 secondes. Dans 15 secondes, ok, bon, on va y être là, c'est bon. Et ils ont mis 4 minutes d'arrêt de jeu là. Attention, est-ce qu'il y aura encore un petit goal ? Un petit goal pour la Belgique peut-être ? Non, intercepté par la Suisse, 2-1 pour l'instant. La Suisse a mis du fil à retordre à la Belgique quand même. Il faut le préciser que c'est un match qui a lieu pour l'UEFA Nations League, les qualifications. Alors, Eddy, tu sais, toi qui suis plus le foot que moi, en tout cas en équipe nationale, c'est pour se qualifier pour quoi en fait la Nations League ? Bah en fait, maintenant, ils voulaient juste enlever les matchs amicaux parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Ah ouais, c'est vrai. Donc les équipes ne jouaient pas vraiment. Et en fait, ça va servir pour les qualifications pour les compétitions européennes et pour la Coupe du Monde donc plus tard. Mais là, pour le moment, ça va être C'est pour faciliter les qualifications. Donc, en fonction des classements à l'UEFA Nation League, ouais, tu verras si t'es qualifié ou pas, ou dans quelle poule. Ah, si tu tombes dans, si t'es tête de liste ou pas, quoi. Ouais, voilà, genre. Des trucs comme ça, plus ou moins. Là. D'accord, c'est malin quand même. C'est très malin. Et merci pour tous vos ajouts. Il y a plein de nouveaux qui sont arrivés là sur Instagram et ça fait vachement plaisir. Je salue tous les nouveaux sur Insta. Nous avons Augustin qui est là. Il y a Vicky Tancanao qui est connecté sur l'Instagram. Je vous donne mon Insta. C'est Vins Radio, V-I-N-Z. R-A-D-I-O. Et je fais dédicace qu'à ceux qui viennent de s'abonner. Il y a Clem underscore Pender là, qui s'est abonné, là. Bienvenue à toi. Il y a Itzko Le Klein. Itzko Le Klein. Eh, c'est quoi ça? Je suis curieux. Audio Alchimiste. Ah tiens, il fait de la musique du mensonge. Sympa. On a Evelyne Lambert qui s'est abonné. Il y a Emeric Weber aussi. Bienvenue à toi. Il y a Guillaume Heureux. Bienvenue à toi Guillaume aussi qui vient de follow là à l'instant même. Il y a Commune Bombe. Oh d'accord, Commune Bombe, bah c'est Yacine qui vient d'Arlon. Merci pour le follow, c'est cool mon pote. Elfie Food USA 05. USA, sérieusement, il y a un truc des USA qui m'a follow. Wesh, ils ont deux postes. De toute façon le fa qui est là. Ouais, complètement. Arnaud qui est là aussi. Il y a T'es qu'un pauvre type. Et t'as un mec qui s'appelle T'es qu'un pauvre type. C'est énorme. J'adore le jeu de mots. Tu sais, j'essaie de lire là. J'y arrive pas là. Sur mon Facebook, il y a un gars qui s'appelle James Patagueule. Sûrement qu'il doit y avoir ça. Il y a plein de nouveaux qui viennent se mettre là. Je viens de faire une mise à jour. Dès que j'en parle, ça fait mise à jour de ouf. Et ça y est, il y a du monde. Antonio, bienvenue à toi. Il y a Blondie 1895 qui vient de commencer à suivre là et qui vient de Liège. Eh ben, écoute, salutations à toi. Hop, je prends au hasard, t'inquiète. S'abonner en retour, voilà, je me suis abonné en retour. Ça fait toujours zizir. Il y a Lorenzo Noël, 46. Il y a Louise BSRD. Il y a Laurent aussi, Laurent Photographie 13. Bienvenue à toi, mon pote. Il y a Nat, il y a Amaré Diallo. Et il y a plein de nouveaux qui viennent d'arriver maintenant, là. Tiffany aussi. Rama, il y a Yuki Allison, Nat, Liam. Eh, mais franchement, ça fait trop plaisir, là. Eh, il y a eu 25 ajouts à l'instant même. Ça tue. 30 ajouts. Ça continue de monter. Eh ben merci, franchement merci, c'est cool. Ah, franchement, pour un vendredi, c'est beaucoup. Hein. Ah bah ouais, énorme. Alain Govard est dans la maison. Un jour, je suis venu avec ma voiture et il a rendu mat. J'ai trop kiffé le truc. Merci Alain. Ah ouais, Alain Govard. C'est lui la voiture blanche là. C'est lui la voiture blanche. Govard. Alain Govard. Comme dans sa Govard. Comme une Govard, comme une voiture. Ouais, de ouf, de ouf. On a un message intéressant et très important de la part de Roland de Benezé. Roland, merci pour ton message. On va en prendre note, on va t'appeler pour que tu nous dises ce que tu veux qu'on fasse par rapport à son fils. Voilà, message. Ça très... nous a beaucoup touchés. On a été énormément touchés. On va pas en parler parce que c'est ça va attiser beaucoup de curiosité. Déjà là, ça attise la curiosité des auditeurs, je suis sûr. Mais si on en parle, ça va encore plus creuser le truc. En tout cas, on en parlera certainement lundi ou en tout cas on fera quelque chose autour de ça. Entre temps, récupère Laura. Laura, est-ce que tu es toujours avec nous ce soir? Allô. Ouais, Laura est dans la maison. Laura, eh ben toi tu nous as, on est en train de discuter avec Nathan juste avant là, qui avait un problème avec la rélatine et la huile. Et toi, t'as un problème avec la chicha, visiblement. Tu vas souvent en chicha, c'est ça? Non, je la prépare chez moi. Ah, tu l'as fait chez toi? Ah ouais, carrément. Oui. C'est intéressant ça. Alors bon, Zenrida, c'est un peu la même addiction que la cigarette. Comment est-ce qu'on peut soigner ça? C'est compliqué quand même. Mais de nouveau, tu vois, elle parle qu'elle allait téléphoner pour une autre addiction. Ouais, c'est l'addiction. Tu veux en parler ou pas? Alors, ok, on en parle du coup. Au shopping, c'est bien ça, Laura? Oui, c'est bien. Aussi, l'addiction au shopping. Donc, du coup, pour toi, il y a un parallèle peut-être. Mais parce que finalement, le déclencheur ou le truc qu'on choisit, c'est pas ce qui est important. Mm-hmm. Ce qui est important, c'est le processus. Parce qu'en réalité, une addiction, c'est. Il y a deux causes. Il y a où? Le besoin d'être accepté. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui commencent la clope quand ils sont jeunes pour faire partie du groupe des fumeurs. Ouais, en effet. Et aussi pour... comment est-ce qu'on dit en français? Excuse-nous l'anglais. Excuse-nous l'américain. Pas trop espagnol, toi. Zenrilla, quoi. Non, mais Zenrilla parle espagnol. Pour insensibiliser, voilà. Pour insensibiliser une douleur. Comment tu dis quand... Et comment tu fais insensibilisation? Je vous emmerde. Insensibiliser une douleur, ouais. Donc en fait, tu prends un substitut pour... Non, à un moment, il y a un truc qui te fait mal à l'intérieur. T'as un traumatisme, t'as n'importe quoi qui te fait souffrir. Il ne fallait pas qu'il y ait un Renault. Attends, la gueule. Quand tu... D'un coup, quand tu commences, tu consommes un truc, inconsciemment, tu te rends compte que cette douleur, elle diminue. Ou tu la sens moins. Ouais. Tu t'insensibilises. D'où l'alcool aussi. L'alcool, la drogue, n'importe quoi. Et en réalité, tu vas... quand tu vas avoir un problème et tu sais pas quoi faire avec cette émotion, c'est le drame de l'humanité, c'est ça. C'est qu'on sait pas quoi faire avec nos émotions. Si on pouvait apprendre ça à l'école, le monde y changerait, mais en 10 ans, quoi, tu vois. Et donc, à un moment, tout d'un coup, tu parviens à compenser. Tu parviens d'un coup à faire quelque chose qui te sort un peu de cette sensation-là. C'est très intéressant ce que tu as dit. Merci. Non, mais vraiment, mais quand j'y pense, c'est vrai qu'on nous apprend pas, que ce soit en école supérieure, en école à l'université, en école primaire et secondaire. Mais l'émotion, c'est tabou. En fait, c'est comme si les émotions. Attention, on t'entend jongler avec ton téléphone, Laura, fais attention. Elle prépare sa chicha. Oui, ouais. Elle prépare la chicha, non, ouais. Non, pas encore. Elle l'a fait à la pomme. C'est vrai qu'on nous apprend pas et c'est comme si les émotions, il faut pas les montrer. Faut pas pleurer. Quand t'es triste parce que t'es fait engueuler par un prof, t'es en train de pleurer, et puis c'est genre, ah non, on va pas commencer à pleurer. Tu sais, c'est des remarques un peu toujours, oui, sur tes émotions. On n'a pas le droit de montrer ses émotions. Ouais, c'est complètement. Mais c'est parce qu'on sait pas comment les gérer. Mais c'est si comme on sait dans pas le monde comment du travail, les gérer, hein. Ça, elle dérange. Oui, c'est vrai. Et donc, on essaye de les couper le plus vite possible. Oui, mais c'est comme dans le monde du travail. Si tu pleures, on va t'appeler le pleurnicheur ou la pleurnicheuse après. Bon, ça dépend dans quel monde du travail. C'est hein. Un peu mal vu quand même. Ouais, c'est ça, mais non, mais c'est grave mal vu. Hein. Ouais, ouais. Enfin, c'est vrai que tu pleures pas devant tout le monde. Mais moi, je peux comprendre parce que, y a vraiment des gens, c'est des madeleines, quoi. Tu lui dis, coucou. Tu m'as pas dit ça va. Ah ouais, ouais, ouais. Ça c'est chaud. Tu sais qu'il y a un truc. Tête de chicon, vous avez rigolé, moi il y a un truc, il y a un truc. J'ai pas envie de faire le justement la madeleine ou le merlan frit, mais il y a un truc qui me fait souvent chialer. Quoi? C'est comme un film dit je t'aime. Je sais pas pourquoi je me mets à pleurer. Je sais pas comment ça se fait. J'arrive et elle me dit papa, elle me regarde et elle me fait papa je t'aime. Alors moi je pars là-bas, je me cache un peu et là j'ai des larmes. Je trouve ouais, je pleure pas en mode elle m'a dit je t'aime. Ah donc c'est trop mignon. Mais non, non. Donc un je t'aime peut faire pleurer. Un je t'aime de la part de ma fille. Oui, j'ai des larmes qui coulent. J'ai une petite larme comme ça en coin en me disant putain c'est tellement beau quoi. Ton enfant qui te dit ça, je trouve ça, je sais pas expliquer. J'arrive pas à croire qu'on puisse l'aimer en fait. Voilà. Ouais. C'est vrai. Non mais voilà, mais c'est peut-être, je sais pas, et peut-être que ça me touche justement parce que. Ouais, mais c'est une bonne émotion. Oui, c'est positif. Tu vois, bien y a sûr. Des bonnes larmes et des mauvaises larmes. Les bien bonnes sûr. Larmes, tu vas pas chercher à les. À... On est d'accord. On est non, d'accord. Et puis personne n'a de problème avec ça. On est clairement. C'est plutôt les larmes où on est un peu, on est mal à l'aise. Voilà, mais alors du coup maintenant, pour revenir à Laura, ouais. La chicha, va falloir régler ce problème là quand même, c'est galère. Hein. Mais au-delà c'est de. C'est galère, ça coûte beaucoup d'argent. Bah oui, voilà déjà. Non, en plus ça nique tes poumons grave quoi. Bah oui, surtout, surtout. Après, si tu cherches des bons plans, moi j'ai des petits bons plans, moitié prix, tout ça. Moi j'irai jusqu'à Nadia sur Instagram. Non, arrête Laura, putain. Après, moi je vais vous raconter mon expérience parce que j'ai aussi. Alors moi je disais pas chicha à l'époque, je disais un narguilé. Ouais. À l'époque. Ça, c'était en 1942. Je disais ça quand j'avais, attention la honte, j'avais 16 ans. Ah oui! Je vais vous raconter mon histoire dans quelques minutes. Mais voilà, principalement, là, pour Laura, donc, elle trouve un complément avec la chicha. Bah, enfin, ouais, il semblerait, quoi. Il faudrait quand même lui poser un peu plus de questions. Et toujours le truc, c'est savoir, ok, quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça a commencé à être un problème? Parce que tu peux, par exemple, boire un verre de temps en temps, c'est pas un problème. C'est quand tu commences à te bourrer la gueule trop régulièrement. Ouais, Là, ça devient un problème, tu vois. Tu peux consommer tout de temps en temps, c'est OK. C'est quand, tout d'un coup, ça devient... ça prend le contrôle sur toi. Ouais, et voir... En fait, ça a commencé il y a 2 ans. Okay. Au début, quand je fumais, j'avais la tête grave qui tourne. J'avais envie de vomir, je vomissais carrément et tout. Ouais, ça, c'est quand tu fumes trop, hein. Non, ça c'est le début, ça c'est... Ouais, non, ça c'est le début de la chicha. T'inquiète, j'ai connu, frérot. Eh ben, dis donc. Attends, quelqu'un qui a... C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Quelqu'un me demande, Vin, c'est quoi une chicha? Alors, c'est un narguilé. Genre, tu tires dessus, ça fait... C'est une sorte de structure en verre et en métal dans lequel vous pouvez, en fait... Comme un bong, voilà, vous mettez un charbon dessus qui permet de brûler du tabac dans lequel il y a plusieurs composés différents, plusieurs arômes. Du tabac parfumé, hein, genre à la fraise, à la banane, à la base. C'est oriental, hein. Effectivement. Oriental. Et en fait, vous fumez avec une longue tige comme ça. Ouais. Et soi-disant, la fumée et les toxines sont filtrées par l'eau. C'est des conneries. De toute façon, parce que l'eau ne filtre absolument rien du tout. Oui, non, ok, je suis d'accord, mais parfois, c'est pas vraiment vrai, parce que j'ai un pote qui fumait souvent la chicha. Ouais. Il a été hospitalisé. Oui. Et il a fait des contrôles, parce qu'il pensait que c'était à cause de ça. Et le médecin lui a dit, ah, mais vous fumez pas? Et mon pote, il a dit, bah si, pourquoi? Il a dit, ah, bah, parce que vos poumons sont intacts. Mais ça dépend les gens. Oui, ça dépend des gens, ça dépend des critères. Peut-être que tes poumons, c'est cette facilité à évacuer le truc. Ouais, mais quand tu fais 3 chichas par jour, frère. Bah, une chicha. Ça dépend les gens. Il paraît qu'une DAF, c'est genre combien? 50 cigarettes d'un coup. Ouais, mais ça, c'est pas vrai. Ça. Si, t'as vu la masse de fumée. Ouais, mais faut pas écouter. Mais si, attends, regarde la densité de la fumée. Ouais, mais c'est naturel. C'est pas la masse de fumée, c'est le fait que ce soit du charbon. Bah oui. Oui, en plus, il y a le charbon qui va. C'est ça qui semblerait est plus parce que de nouveau semblerait parce qu'effectivement c'est pas de qui vient la alors concrètement pour Laura, elle est addict. Donc, elle voilà. est addict là. Mais moi ce que je voudrais savoir Laura, c'est tu me parles du début de ta chicha, mais est-ce que ton addiction tes achats compulsifs sont antérieurs, enfin est-ce que ça a commencé avant ton truc de chicha? En fait, c'est la même chose. Maintenant, bien, j'achète des vêtements quand j'ai de l'argent en cash. Donc, j'ai commencé à mettre tout mon argent en cash sur mon compte bancaire. Et là, ça part vite directement dans les achats en ligne. Et donc là, je ne le sens pas. Et là, maintenant, il y a les frais de chicha qui sont rentrés encore dans le shopping. Donc, j'ai besoin de tabac chicha, de charbon, de nouveaux tuyaux, des pipelettes, des ci, de ça. Donc, catastrophique. Ok, et donc tout a commencé plus ou moins en même temps, tu dis? Comment? Tout a commencé plus ou moins en même temps? Non, en fait le shopping a commencé depuis mes 16 ans. Ok, et est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans ta vie à 14-15 ans? Oui, avant j'étais grave moche. Ah, okay. Donc, avant, j'étais moche dans la tête. C'est intéressant ce qu'elle dit. Oui, aujourd'hui, je parle tellement... Eva Mendes. Non, pas vraiment. C'est vraiment la fille là avec son cartable. Bon, c'est pas la même génération que maintenant. Maintenant, une fille de 14 ans, tu la vois, on dirait une fille de 27 ans avec 4 enfants. Ouais, du coup, tu ressembles à un coton-tige, quoi, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est vrai, mais on a tous connu. Enfin, oui, vraiment. Une période où tu t'aimais pas trop, en fait. Genre, c'est maman qui choisit tes habits et tout. Okay. Ah, maman qui pensait que t'étais encore une enfant. C'est une petite fille. Oui, voilà. Mais maman. D'accord. Et après, quand c'est moi qui a commencé à choisir, là, c'est devenu un problème. Parce que là, c'est moi qui choisissais, c'est moi qui allais au magasin choisir même. C'est moi qui... Non, pas ça, mais vraiment, c'était... En fait, je suis passée... Vraiment, je voulais vite grandir, donc j'ai commencé vite à m'habiller trop classe, genre les talons, des stilettos et tout. Je suis vite rentrée dans... Ah, oui, du coup, tu t'habillais comme une petite chouin. Mais non, mais pourquoi pas, enfin, en même temps... fais pas gaffe à Nigel. Laura, si jamais t'es nouvelle dans l'émission, faut pas faire gaffe à Nigel. Nigel a l'habitude de dire des bêtises et des conneries. Je précise ça aux auditeurs. C'est vraiment une petite chouin. Hein. Tu peux bien être habillée bien. Mais Laura, franchement, il y a aucun problème. T'inquiète, faut pas écouter Nigel. Juste petite info, on nous a envoyé un truc important rapide. Je fais une petite anecdote pour pas dire de conneries. Une heure de chicha est égale 40 clubs. C'est des chiffres avérés. Merci à PNO qui m'a envoyé ça avec source et tout ça. Une heure dans un bar à chicha égale 6 clubs que vous fumez. Et il y a aussi une information à en préciser. Des millions de particules fines collées à vos poumons de la mélasse de charbon, qui est le danger. Et 4 fois plus de monoxyde de carbone dans une maison où on fume de la chicha. Donc en fait, si tu fumes la chicha à la maison, tu peux intoxiquer toutes les personnes de la maison. Donc 4 fois plus de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est ce qui tue les personnes qui ont un chauffe-eau mal réglé. Oui, donc cancer, bronchite chronique et problèmes cardiovasculaires. Voilà, c'est ça que ça donne hyper mal à la tête quand complètement. T'as un truc avec la chicha. Complètement. Donc voilà, donc Laura est visiblement passée par un trouble, bah, c'est toujours comme ça que ça commence, hein, un petit peu, Zenrila. Et Laura, moi j'ai une question et je voudrais juste que voilà, tu vois ce qui vient quand je vais te poser cette question. Et après, on se fait zaz. Est-ce que entre toi et moi, il n'y a personne qui écoute? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, est-ce que tu crois qu'elle est encore là, cette petite qui se trouvait moche? Non, ça c'est mort depuis longtemps. C'est loupé. Ah, du coup, voilà, Véronica, tu peux repasser la semaine prochaine. Il parle de Véronica la voyante, hein, bien sûr. Il fait un clin d'œil parce que Véronica la voyante, elle s'est gourée sur toutes ses voyances. Attends, lui qui me parle à 16 ans, montre une photo de toi quand t'avais 16 ans. Ah, à 16 ans, j'avais 14 ans. À 16 ans, j'avais 5 meufs en même temps. Tu me parles de quoi, toi? C'est pas vrai, tu parlais pas français déjà. Ben, c'est les Flamands qui chopent le plus, mon gars. Ah bon? Okay. Ah ouais. Bon, je découvre. Bon, c'est vrai que Tomorrowland. Les néerlandophones sont très chauds. Hein. Mais Laura, alors s'il n'y a pas ce besoin, pourquoi est-ce que tu es encore dans ce truc de la compulsion, de l'image, et pourquoi est-ce que c'est encore important pour toi s'il n'y a plus une partie de toi qui se sent moche? Non, c'est juste pour être à la mode, pour être stylée, pour être classe. J'ai envie de me regarder dans le miroir et de me dire... Et pourquoi tu considères que c'est une addiction? Je voudrais me regarder dans le miroir et me trouver belle. Voilà, voilà. On y arrive, on y arrive. Qu'est-ce qui se passerait si t'as plus de thunes et c'est ta mère qui doit t'habiller? Non, de toute façon, j'habite plus chez ma mère. Non, mais réponds à ma question, réponds à ma question, réponds à ma question. Si j'ai plus de thunes et c'est ma mère qui doit m'habiller, non. Si c'est elle qui doit choisir mes habits, ah là, c'est mort. Qu'est-ce qui est mort? C'est mort, mon style vestimentaire, il est mort dans le jeu. Et comment est-ce que tu te sentirais à ce moment-là? Je sais pas, comme une mère au foyer, comme ça, non? Hein? Ouais. Mais c'est tout le monde qui est dans vraiment ce comme une maman, comme ça, qui... Je sais pas comment expliquer. Non, mais attends, c'est intéressant ce que Zenrila a dit. Comme une femme abandonnée, comme ça. Mais toutes les filles ont envie d'acheter des beaux vêtements et d'être belles. Mais pourquoi? Mais ça vient d'où? Mais Lara, parce Lara, que c'est beau. Mais Lara. Toi, t'as pas envie d'avoir des beaux vêtements? Je m'en bats les couilles. Lara. Mais pourquoi t'achètes des beaux vêtements? Je m'en rends pas compte. Franchement, ouais. Je m'en rends pas compte. Non, par contre, on va dire. Attends, deux secondes. On va dire la vérité. Quand Vince dit qu'il s'en bat les couilles, genre vraiment, il s'en bat les couilles. Vince va prendre un truc, un haut jaune, un bas rose, des chaussettes carottes, et s'en bat les couilles. Je sais même pas combien de fois il est venu chez moi en séance sans calbut, quoi. Mais c'est ça, mais Vince, franchement, mais. Ce que je veux dire, attends, moi aussi, j'ai des jours comme ça où je me rappelle, j'allais à l'école avec un jeans, avec un haut de pyjama Star Wars, si je m'en foutais. Moi, voilà. si je peux me permettre de faire une anecdote, j'ai fait gaffe à ma tenue vestimentaire quand j'étais mal dans ma peau. Ouais. Le jour où j'ai eu confiance en moi, j'en avais plus rien à foutre. J'estimais que c'était plus les vêtements qui prenaient le pas sur l'image que je vais dégager. Oui, mais est-ce que tu peux voir, par exemple, qu'une tenue te rend plus beau que l'autre? J'en ai. Franchement, c'est relatif. C'est pas une tenue. On va dire que peut-être dans la tête de certaines personnes. Mais je te le dis vraiment. C'est quand même une tenue. Il y a juste une différence. C'est que c'est pas que tout d'un coup tu dois tout le temps être moche, tu peux pas trouver. Mais là, dans son cas-là, apparemment c'est un problème, c'est une addiction. Oui, c'est pour ça que je voulais savoir pourquoi est-ce qu'elle considère que c'est une addiction. Tu n'es plus dans le même stade, tu vois. Et par exemple, si ça se trouve, toi, tu peux être chez toi en training basket et c'est pas pour ça que tu vas te trouver moche. Non, oui. Tu vois, donc c'est un point tout à fait différent. Elle, tout d'un coup, s'il n'y a plus les vêtements, s'il n'y a plus ça, d'un coup, elle parle de mère au foyer comme si mère au foyer c'était moche, etc., etc. Donc voilà, moi je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis que moi j'irais voir plutôt de ce côté-là, vu que c'est par là que ça a commencé, et si cette partie-là n'est pas réglée, mais en même temps, ça pourrait expliquer le fait que ça traîne encore maintenant. Ouais, puis en même temps, bon, le shopping, c'est un truc très fin, je sais pas, c'est... les femmes adorent. Oui, mais en même temps, il y a toujours ce côté quand t'achètes un truc neuf, t'as cette petite euphorie, t'es un peu content pendant un moment. Voilà. On est d'accord, mais l'euphorie vient parce que tu dois combler, je pense, quelque chose. Là, il y a quelqu'un qui parle d'une addiction. C'est ouais, pas ouais, quelqu'un ouais, qui aime bien chose. Faire du shopping de temps en temps. Ouais. Si elle appelle pour une addiction, c'est que c'est quand même un truc qui prend le contrôle. Donc on les est amis, sur un autre, juste dans un autre. On continue, on a le son de Zaz qui arrive avec Kevendra sur NRJ. Bienvenue sur NRJ. Laurent reste avec nous, on va accueillir Olivier aussi dans le standard. Il a depuis un moment, Olivier, on va parler avec lui là. Et n'hésite pas à vos réactions sur WhatsApp. Tant que j'ai l'audace 0492 de tenir la main de l'autre 222 aimer le temps qui passe 002 dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra Yo escribo mi camino sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, escribo mi camino sin pensar. Puisque nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérir. cela est bien trop court. J'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si me pensar, si me pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Sur énergie, et merci pour vos messages là sur WhatsApp 0492 222 002. Edwin qui nous dit bonsoir les gars, pouvez-vous faire un gros big up à ma Tirana de Love. Message passé. Rox qui nous dit santé à vous. Eh hey, merci Rox, c'est gentil. Ça nous écoute dans un bar visiblement. Ça fait plaisir ça. Vince voudrait quasiment faire une chanson sur ce rythme pour le numéro WhatsApp. Eh ouais, c'est vrai que ce serait une bonne idée ça. On arrive tout de suite sur Énergie. On accueille Olivier rapidement dans le standard. Salut Olivier. Oui. Olivier dans la maison. Oh. Sur Énergie. Yo, Olivier, mon... Oula, on t'entend mal, Olivier. Ah bah attends, je vais me changer. Ça va, tranquille, tranquille. De toute façon, on parle dans deux minutes, Olivier. Merci à toi parce que ça fait longtemps que tu es dans le standard. Tu vas absolument parler avec Zendrila. On va arranger ça tout de suite, hein. Ça va? Mmh. Splendide. Pas de soucis, pas de soucis. Parce que t'as le même problème que Laura, un autre délire, c'est l'addiction à la clope. Ah, ah. Ah ouais, la clope, ah, quel bordel. Et je sais, toi, t'es capable de faire arrêter des gens, enfin de faire arrêter la clope à des gens, Zendrila. Tu l'as, est-ce, franchement, combien de personnes sont pas déjà venues chez toi pour, faire, pour arrêter la clope et ils ont arrêté tout de suite? Beaucoup. Comment? Comment? Parce que Zendrila a des méthodes de ouf, mais des méthodes infaillibles, les amis. Contactez-le, franchement, Zendrila.be, c'est très sérieux. C'est quand tu fais ça avec l'héroïne, la coke, la méthamphétamine, ben ouais. La clope, c'est du gâteau. Game, quoi. Ouais, c'est vrai, parce que Zendrila, il fait un truc de ouf. Faut le dire, tu pars souvent à l'étranger. À Hawaï. À Hawaï, il part à Hawaï. Raconte-nous ce que tu fais là-bas, là, en quelques secondes. Je vais à Hawaï dans un centre de désintoxication carcérale. Et là-bas, pendant 15 jours, on bosse sur des résidents gratuitement. Et demain, il y a le directeur du centre qui vient passer 15 jours ici avec moi. Wow. Ah ouais, chez toi. Et, ouais. Et là-bas, tu aides les personnes à décrocher complètement tout ce qui est drogue, en fait. Là-bas, on les aide à désamorcer ce qui génère l'addiction. Voilà, c'est parce, ça, oui. Parce que les gens qui sont là, ils sont sevrés. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que si tu ne travailles pas ce qu'il y a derrière, eh ben, quand ils sortent, ça se trouve, ils vont le reprendre. Voilà, et ben, c'est sur ça qu'ils travaillent. Et ils peuvent faire ça avec vous aussi. Si vous êtes en galère, allez-y, envoyez un message sur WhatsApp et je vous file son site internet si vous voulez. Hein. Il n'y a pas de problème. WhatsApp, c'est 0492 222 002. 0492 222 002. Zendrila, il peut vous aider à arrêter la clope si vous le désirez. On en parle avec Olivier tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. It's 4 a.m. I don't know where to go. Everywhere is closed. I should just go home, yeah. My feet are taking me to your front door. I know I shouldn't go. Heaven only knows the mood. The side effect to my loneliness is you. Oh, girl, all that I want. Nobody giving you up. first time, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Time should have taught me the lesson. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. We're looking for a sign, but instead I got a message. I take on my pride every time we undressing. Draw the line, I'm out of line. Le soir, du lundi au vendredi, dès 21h, Vince est sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, Vince. Ça fait plaisir les amis, ça fait vachement plaisir d'être là. Là, ça va Thibaut au standard? Ouais ouais, super, j'ai un peu plus de place, j'ai demandé à Eddy de bouger en fait. Ouais, Eddy il est parti s'installer à côté de la rail, il est malin Eddy, hein. Directement les bons plans, Eddy les bons tuyaux. Ça s'appelle d'être astucieux. Ouais, complètement, ça va Eddy, tu vas bien? Ça va super bien, super ouais, bien. Je constate, ça va, t'es mieux là-bas, t'es un peu plus... La place est mieux, je suis pas à côté de Thibaut parce que j'ai l'impression de devenir un peu roux. Ouais, au fur et à mesure on prend la rougeur un petit ouais, peu. Là, c'est mieux là, vraiment. N'importe quoi, mais on est trop serré ici à deux. Bon, je vous rappelle tout à l'heure là, mot de la fin les amis, mot de la fin, dernière ligne droite. Est-ce que Nigel va gagner le mot de la fin? Il est toujours à 2 points, Thibaut à 1 point et Eddy 1 point. Ce qui veut dire que si Thibaut ou Eddy gagnent ce soir le mot de la fin, bah Nigel c'est la grande défaite. Bah non, Lara elle a combien de points? Ah non, c'est l'égalité techniquement. Attends, du coup, s'il y a une égalité, c'est un double mot de la fin. C'est un double mot de la fin puisque là du coup ça va se passer entre les deux vainqueurs. Yeah. Ah non, mais c'est tout le groupe contre Nigel ce soir. Voilà, si vous avez ouais, compris. Oui. Non, tout le monde veut que Nigel perde, c'est ça qui est ouf hein. Yeah. Zendrila est toujours avec nous. Zendrila dans la maison. Avec Olivier, bah alors ça tourne un peu autour du même truc que Laura. Laura qu'on n'arrive plus à joindre visiblement, il y a un souci, plus de batterie peut-être. Hein. Ça tourne un peu autour du truc de base. Messagerie vocale, c'est ça Thibaut? D'accord, elle n'a plus de batterie la pauvre. Donc du coup, ça tourne toujours un peu autour de l'addiction. Et il y a plein de gens qui m'envoient. Alors Vince, moi je suis accro au sexe, ça peut paraître drôle comme ça, mais c'est très sérieux. Salut Vince, moi je suis addict à tous les jeux vidéo qui a été envoyé. Vince, peut-on aider quelqu'un qui a une addiction mais qui n'en est pas conscient? Bonsoir l'équipe, personnellement j'ai été accro à la clope aussi. Le tout, comme le dit Zendrila, c'est de trouver l'élément déclencheur. Et pour moi surtout, qui pourrait te faire arrêter ton addiction. Quelqu'un qui me dit Vince, moi j'ai aussi une addiction à l'alcool, ça me tue. Vince, mon addiction c'est la... quoi la... C'est bizarre ça, le chocolat. Ah non mais non, si c'est normal. Ça me ruine visiblement, ça a l'air d'être très sérieux. Je crois le chocolat, il paraît que c'est aussi un antidépresseur. Comment ça se créer une addiction, comment ça vient ça, Zendrila? Quand je travaille au centre des intoxications à Hawaï, le truc le plus fréquent, c'est un deuil. Donc la fois passée, je vous ai expliqué un deuil. Un deuil, c'est tu as une situation et d'un coup la situation elle change des fois sans que tu le veuilles. Donc quand et tu dis un deuil, c'est pas nécessairement quelqu'un qui meurt. Non, c'est quelque chose. Okay. Un deuil, c'est beaucoup plus large. T'es viré ton taf, par exemple. Ta femme te quitte, tu veux plus te voir. N'importe quel changement. Mm-hmm. Et tu as du mal à t'adapter à la nouvelle situation. Le deuil, c'est la difficulté à s'adapter à la nouvelle situation. Okay. Donc ça peut être des déménagements, ça peut être des trucs. Et c'est les trucs le plus fréquents quand tu travailles sur les addictions, sur les douleurs chroniques. Donc c'est comme ça part de là en fait de base. Souvent. Mais on connaît souvent. Tous ça. Bien Qu'est-ce sûr. Qui fait qu'une personnalité va être avec une réponse addictive et l'autre pas? Parce que ça va être la manière dont ils vont le vivre, l'intensité de la douleur qu'ils vont avoir. Est-ce que ça veut dire qu'ils souffrent plus que ceux qui n'ont pas une réponse addictive? Souffrir plus, ben ils ont, on va dire, moins la capacité de supporter cette douleur là. Ok. Et alors il y a aussi la proximité de drogue quoi. Oui, de l'entourage. C'est certain que si tous tes potes fument, tu rentres dedans. Exemple, ici on est dans notre équipe par exemple, mm-hmm. on est tous non fumeurs. Ouais, ça c'est cool ça. Non mais c'est cool, mais parce que finalement ça se met ensemble et au fur et à mesure du temps, même des gens qui étaient des fumeurs, ils commencent à moins fumer ouais. quand ils sont avec nous. Ou quitte le groupe, hein, ça arrive aussi, c'est étrange comme situation. Mais justement, il y a plein de messages qui arrivent, on va parler avec Olivier dans deux secondes, là c'est important. Vince, moi je suis addict à vous. Tant mieux, merci Lison, c'est cool. Mais ça par contre, c'est pas besoin de cure pour ça, tu restes... Ouais, reste addict, c'est bien, ouais. Nous on est là pour faire du bien. Vince, moi j'ai un gros souci psychologique, dû à des soucis d'intestin. J'ose même plus faire des courses. Il y a Rama qui dit Vin, je suis addict à vous aussi. Damien, j'arrive à toi dans 2 minutes. Damien, je te garde en tête. Damien, c'est le mec qui met des trucs dans son cul. Et vous devez deviner encore aujourd'hui ce qu'il a mis dans son cul dans la photo. Pas tout de suite. Après. Vince, moi, c'est la weed et c'est très cher. C'est Nico qui a envoyé ça. Vince, ma femme a une addiction à la propre à l'aide. J'ai pas. À la propreté, à l'aide. Voilà, addiction ça, à la propreté. Beaucoup, hein. C'est ah ouais, mais ça aussi. Donc ça vient d'un problème quelque part. Ça, c'est plus des tocs, on appelle ça. Hein. Des tocs. Alors l'obsessionnel compulsif. Et ça vient comment ça, un toc? Donc il a fait c'est un long débat. Attention. toc. À un moment, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui nécessite d'être nettoyé. Ouais. C'est sa manière à elle. C'est son exutoire. Si c'est la propreté, c'est normal qu'il faut nettoyer. C'est son exutoire. Tu parles de. Et donc, si tu nettoies pas ce qu'il y a là derrière, elle va toujours trouver des trucs sales, même si elle doit le nettoyer 10 fois, parce que il y a ce truc-là. C'est comme ça. Il y a toujours un truc derrière qui va générer. Donc il y a quelque chose qu'il faut nettoyer dans ta psychologie, c'est ça que tu veux dire. Le problème n'est pas. Souvent, on regarde là où il ne faut pas regarder. Le problème ne va pas être la drogue, ne va pas être l'alcool, ne va pas être la clope, ne va pas être le nettoyage. C'est ce qui génère tout ça. Ouais. Nous, dans la technique que j'utilise, un problème, c'est une réussite. Ça veut dire que tu fais convenablement quelque chose à l'intérieur de toi pour obtenir ça. Pourquoi tu rigoles, Angel, qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai pas rigolé, c'est en mode ouh. Ah ok. Moi j'ai entendu. J'étais en mode ouh. D'accord. Note la pub à 23h. Note, on va mettre ça en pub à 23h10, c'est intéressant. T'es con. Vas-y, continue, Zenrila. Et donc pour faire une métaphore qui est compréhensible par tout le monde, même par Angel. Un problème, c'est comme un kick. Oh. Et ce cake, il va avoir une saveur particulière. T'as rêvé Nigel là, ouais. Il peut avoir une saveur d'addiction. J'aime pas les gâteaux, quoi. Que des bonbons. T'aimes beaucoup d'autres choses. Il peut avoir une saveur d'addiction, il peut avoir une saveur de douleur chronique, il peut avoir une saveur de dépression. Oh. Et moi, quand je bosse, je m'en fous du cake. Ce qui m'intéresse, c'est les ingrédients. Parce que pour avoir un cake qui ait exactement cette saveur-là, il faut qu'il y ait certains ingrédients sous un certain ordre et sous une certaine posologie. En fait, le pourquoi du comment. Tais-toi. Tais-toi. Il parle 10 minutes d'affilée. Ah ouais, mais je voudrais expliquer un truc, je suis comme bordel. Ouais, mais gros, mais le truc, c'est que tu parles trop pour rien dire. Et donc, du coup, si je peux changer ces ingrédients-là, le cake, il change de saveur sans que j'aie à toucher au cake. Et donc... De nouveau, le TOC, il y a un truc à l'intérieur d'elle qui fait qu'elle génère ça. Et si on peut y aller, et si on peut le transformer, eh bien, elle n'aura plus besoin de nettoyer tout ça. D'accord. Et l'addiction, c'est pareil. Ça, c'est pour si ça, la copine, aller nettoyer la douleur qu'il y a à l'intérieur qu'elle doit cacher, eh bien, elle n'aura plus à compenser vers ça. Donc alors, ça, c'est la première partie à faire. Olivier, tu nous entends toujours, Olivier? Oui, je vous entends toujours. Splendide. Olivier, ça fait combien de temps que tu fumes maintenant? Je dirais à peu près 7 ans. 7 ans, t'as commencé pourquoi? Est-ce que tu le sais déjà? Là-bas, c'était pour plus m'isoler des gens, parce que je suis pas très très sociable de base. Ah, donc c'est intéressant ça, Zenrila. C'est-à-dire qu'il y a un autre truc derrière. Je vois pas Zenrila avec l'écran que tu retournes, désolé, Nigel. Excusez-moi. Merci. Donc c'est-à-dire qu'il est pas sociable. Donc comme il est pas d'habitude, on le fait pour se socialiser. Sociabiliser, excuse-moi, merci. Merci, Maître Capello. Il sent plus pisser, alors tous les vendredis, il dit la même chose. Ouais. Non, bah, plus le mec s'appelle Zenrila, quoi. Vraiment, il y a pas de quoi faire le malin, mais bon, c'est pas grave. On va commencer à le blaser Mercotte, le mec. Voilà. Bon, Godzilla, du coup. Notre ami ici, Olivier, donc, c'est intéressant lui, ce qu'il a dit. Chez lui, ce qui est important, c'est aller voir pourquoi est-ce qu'il a des problèmes. Exactement, l'ingrédient, le cake, c'est la clope. Mais ce qui est intéressant, c'est aller voir ses ingrédients. Donc, l'ingrédient, parce qu'évidemment, il était asocial. Il a un problème de sociabilité. Ouais. Et donc, aller voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui a généré ça? Est-ce qu'on lui avait dit qu'il valait rien? Est-ce qu'on lui a tapé là? On lui pose la question. Allons-y, Olivier. Olivier. Ah oui, bah, pour répondre à la question à Monsieur Zenrida, c'est pas compliqué. Hein, Monsieur Zenrida, c'est Mercotte. On me considère comme une sous-merde, aussi bien vu mes parents, de vue de tout le monde à peu de choses près, à part quelques personnes maintenant que j'ai décidé à garder auprès de moi et mettre les points sur les lignes, quoi. Oh. Et donc du coup, ça a eu une influence. Bah, oui. Ouais, et je suis sûr que ça génère plein d'autres merdes dans sa vie. Plein d'échecs, plein de machins, plein de trucs. Et il a un programme qui est super commun, c'est « Je suis pas assez bien ». Ouais, ça te parle, ça? Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. Ok. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Donc ça, effectivement, il y a un truc qu'il faut nettoyer là-dessus. Mais je vais te donner une astuce. Une astuce pour essayer de déjà compenser tout ça. Si tu devais me donner, et donne-moi le premier truc qui te passe à l'esprit. C'est quoi l'opposé de « je suis pas assez bien » ? L'inverse, c'est quoi pour toi ? Bah, bien. Non, bien, c'est neutre. Tu vois, je suis pas assez bien, c'est moins 10. Bien, c'est neutre. Moi, je veux l'opposé. Le plus 10, ce serait quoi ? Super, admirable, voilà, quelqu'un qu'on apprécie, quoi. Je suis super. Voilà, donc ce que tu vas faire, c'est que dans tous les endroits où tu passes le plus de temps, ça peut être derrière ton téléphone, ça peut être sur ton ordinateur, sur ton tableau de bord, tu vas mettre des post-it où tu vas écrire « Je suis super ». Et si c'est un vous rigolez, c'est une psychologie de ouf ce qu'il fait. Et si c'est un endroit où t'as peur qu'on t'emmerde, tu mets juste un post-it où il y a écrit pense-y. Et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu inondes ton mental de ce truc-là. Et que partout où il regarde, il a « je suis super ». Si tu crois pas au début, on s'en bat les couilles. Tu le mets quand même. Parce que tu crois... Je vous rassure. Le problème, il n'est pas là. Ça a déjà été fait. Ça a été foutu partout, justement, l'histoire du post-it, d'en mettre partout et se dire ça tout le temps. Mais le truc, c'est que depuis le temps, maintenant, ça va, c'est remonté, ça va un peu mieux. Mais il y a toujours cette latence qui est là derrière, qui fait que la moindre personne qui a un peu plus de pouvoir ou qui a une forte personnalité, bah, d'office, ça fait tout détruire. On est beaucoup justement, c'est que tu ne l'as pas fait assez longtemps. Tu dois continuer à le faire partout. Parce qu'en réalité, tu crois quelque chose maintenant qui n'est pas vrai. Parce que tu n'es pas en dessous des autres. Ça n'existe pas être en dessous des autres. Sauf qu'il y a des événements ou des personnes qui te l'ont répété assez souvent que pour que tu finisses par le croire. Donc maintenant, il y a ou tu travailles tous les événements connectés à tout ça avec quelqu'un comme moi, ou tu fais l'inverse. Tu t'inondes ton mental de l'inverse. Et si ça ne marche pas assez, ben tu fais comme un médicament, tu augmentes la dose. Tu le mets partout, tu te le dis, tu mets un bip sur ta montre, sur ton téléphone. Tu l'écris plein de fois, en fait. Tout le temps, tu dois inonder, tu dois saturer ton mental de ça. Parce que quel que soit le truc avec quoi tu satures ton mental, il finit par le croire. Ton inconscient ne juge pas. C'est vrai. Ton inconscient ne juge pas. Donc plus tu vas le mettre, à un moment, il va finir par le croire et il va finir par fonctionner par rapport à ça. Et s'il y a des gens qui croient le contraire, on s'en bat les couilles, c'est leur problème. Donc tu dois le faire... Tout le temps. Mais c'est un conseil de ouf que tu donnes à tous les auditeurs là. Hein. C'est un truc qui marche super bien. Donc c'est vrai que tu m'avais parlé de ça. Tu m'avais parlé d'écrire un truc positif sur moi, quel qu'il soit, et de l'écrire un petit peu partout, de le me répéter et tout ça. Ah, c'est pour ça qu'il y a des post-it, j'ai une grosse bite partout. Voilà, exactement. C'était très malin. D'ailleurs, j'ai même pas assez de place sur le post-it pour l'écrire. Et ni pour la dessiner. Mais c'est vrai que c'est une chouette méthode. Et il y a plein d'auditeurs qui sont en train d'envoyer des messages comme quoi, Vin, je vais faire ce qu'il m'a proposé parce que je me sens vachement lié à l'histoire d'Olivier. Donc, du coup, je vais faire pareil. Et un truc. Faites-le. Si vous arrêtez, c'est vous qui perdez quelque chose. Moi, l'idée, je voulais filer. Moi, ça ne changera pas ma vie. Si vous arrêtez parce que vous vous dites que ça ne marche pas ou quelqu'un vous a dit que c'est des conneries ou c'est foutu de votre gueule, vous allez perdre un truc. Si vous continuez et que ça change votre manière de vous voir, vous allez gagner un truc. Donc concrètement, écrire « je suis extraordinaire, je suis super, je suis quelqu'un... » Admettons si c'est quelqu'un qui se sent genre moche. Je suis beau. On écrit je suis beau par exemple. Mais au fait, quand tu vas au plus loin de tous ces trucs là, c'est tout le temps je suis pas assez bien. Je rentre pas dans la case quoi. Tu vois. Donc je suis pas assez bien. Et trouver l'inverse pour vous. Donc je déchire Sarah, je suis génial, Pour que ton inconscient le voit et qu'en fait finalement il l'imprime et que ça a un impact en fait sur ton mental et sur ton comportement dans la vie tous les jours et du coup sur ta vie en fait. Ouais, parce que ton inconscient il va fonctionner avec ce que tu mets dedans. C'est intéressant. Et n'importe quoi que tu mettes de manière répétée, il va finir par le croire et fonctionner à partir de là. Et le problème, c'est quand on a dit à des enfants en dessous de 6 ans, de manière répétée, qu'ils sont cons, qu'ils ne sont pas capables, commencer à fonctionner à partir de là. Que ce soit vrai ou pas, pour ton inconscient ne juge pas. Ça ne doit pas être vrai ou pas si c'est fait de manière répétée. Et en plus, si c'est fait avec des émotions, ça va rentrer profondément et tu vas commencer à fonctionner par rapport à tout ça. Ça marche pour toi, Olivier ? Ouais, ça marche pour moi, mais j'ai juste une chose à réagir là-dessus. Ouais, vas-y. Sur la théorie, tout ça, c'est magnifique, c'est beau. Mais un gros problème, c'est que dans la société actuelle, vous mettez un enfant à l'école, s'il a le malheur de ne pas être comme les autres, d'office, il est mis à l'écart. Et vous pouvez regarder. Ouais, Olivier, mais je pense que si les parents. Je pense vraiment que si les parents. On s'en fout de ça, Olivier. Je pense que si les parents font le bon taf. Il y a plein de gens. C'est pas grave. Il y a plein de gens qui sont partis de plus bas que toi, qui sont quand même arrivés en haut. Parce qu'ils ont commencé à faire les bonnes choses. L'entourage, c'est des excuses. Tu peux pas faire. Voilà, t'as eu des mères dans le passé, elles sont arrivées, parfois, tu n'es plus dans le passé. Ça, ouais, je pense que. T'es plus dans le passé, donc ce que tu dois faire, c'est partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour aller de l'avant? Ouais, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a certaines choses qui sont difficiles à surmonter. Et enfin, ouais, moi, je pense que je suis pas d'accord avec ça. Parfois, par exemple, si tu te trouves pas beau et que tu mets partout, je suis beau, ouais. Mais tu vas dire, en fait, je le mets, mais en même temps, je sais que je suis. Enfin, tu vois. Ton conscient. Ça. Mais ton inconscient. Mais si tu le répètes tout le temps, à un moment, il va commencer tout d'un coup. Ouais, mais finalement, je suis pas si mal que ça. Ah, tu vas commencer à un certain étage. Mais ouais, tu vas pas tout de suite être une bombasse. Mais en fait, c'est pas pour ton conscient qu'on le fait. C'est pour vraiment l'inconscient qui existe. Hein, ça a avéré. L'inconscient existe. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. La plupart des plus grands coachs, des plus grands types qui sont arrivés plus haut, ils ont tous. Je vais vous dire un truc. Vous savez même pas. À énergie, vous, il y a quelqu'un, il y a le patron qui vous met ces mots dans votre tête ici. Bien sûr. Là-bas, il y a cohésion, respect, épanouissement, authenticité, audace. Tous les jours, tu le vois. Oui. Tu le captes pas, ton inconscient le voit. Ton inconscient le capte. C'est pas une blague ici à énergie. Ces mots-là, ils sont écrits partout dans des endroits où vous les avez même pas vus. Je les ai captés. T'as assis sur une table, c'est écrit là. Tu te lèves, tu vas aux toilettes, c'est écrit là, tu vois. Oui. Ces mots sont répétés. Peut-être que dans ton moral et dans ton conscient, tu le vois pas, tu vois pas ça. Mais ton inconscient le capte et ton inconscient t'amène à avoir une cohésion, à être respectueux, à t'épanouir dans ce que tu fais, à avoir de l'audace et être authentique. Ce sont les mots, c'est les valeurs d'énergie, nostalgie, comme ça oui, vous le savez, vrai, je vous l'explique pour les auditeurs. Ça a changé quand même depuis qu'on est là, on le sent dans notre quotidien. Voilà, complètement. C'est vrai. Donc ouais, c'est un truc que je vous le conseille vraiment de faire, ce qu'il dit là c'est fort, hein, et vraiment je vous conseille. Hein. Salut Vince, moi j'ai marqué sur les post-it « je suis riche ». Eh ben ça, franchement, si vous écrivez je vais devenir riche, dans l'inconscient, il y a peut-être moyen que ça vous amène, non pas, ça va pas vous rendre riche. Attention. Mais vaut mieux mettre je suis que je vais devenir. C'est vrai, ouais. C'est encore plus positif en fait, je suis. Hein, ouais, mais parce que je vais devenir. S'il y a pas négatif. Une date précise, il y a un négatif. Non, non. S'il y a pas une date précise, ce sera toujours pour le futur. Donc tu vas jamais y arriver. D'accord. On met je suis. Donc tout ce qu'on veut absolument, on le met au présent. Et te rendre compte de toute ta richesse maintenant. Et les gars, faites ce conseil-là. Allez-y. Maintenant, vous prenez un post-it, les auditeurs d'énergie. Olivier, fais-le aussi. Olivier, voilà, toi, voilà, c'est un petit. C'est écrit je suis super, je suis extraordinaire. Faites-le. Si vous avez un problème, un truc, vous vous sentez comme un moi. Si quand j'ai parlé de ne pas se sentir assez bien, si ça vous a parlé, faites-le. Voilà, si vous vous êtes senti là-dedans, eh ben allez-y les amis, on compte sur vous. Merci Zenrila d'être passé dans l'émission. Zenrila.be, Z-E-N-R-I-2-L-A.be, allez mater ses vidéos. Franchement, il parle de trucs super importants. Coaching dans la life, une personne qui vous permet de reprendre le contrôle de votre vie. Enfin, c'est qui vous permet à vous de reprendre le contrôle, c'est pas lui qui le fait. Mais en tout cas, il vous aide à surmonter vos peurs et tout le Bataclan, et c'est très sympathique. Yes. Voilà, merci à toi Zenrila. Merci Zenrila. À vous. Merci mon pote. À bientôt. Grâce à toi, on sera zen. Allez, merci aussi à Olivier, quand tu veux dans l'émission, Olivier. Relax. Dis-moi vite. Vas-y, on t'écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, je voudrais passer un big up à tous ceux qui travaillent à la SCP qui m'ont entendu. Non, Nadjol, mais putain, il le fait toujours au bon mauvais moment, lui. Attends, Nadjol, on a déjà pas le temps. T'as un trou du cul, tu fais chier, tu fais le même à tout le monde. Vas-y, répète, Olivier. Parce qu'il sait pas se doser, il sait pas quand il faut le faire. Je voudrais passer un big up à tous ceux qui travaillent à la SCP. Là, en ce moment, je pense bien à eux, parce que moi, je suis occupé de boire mon verre tranquille sur la place de tournée. Et bonne merde à eux. Oh, le salaud. Bisous à toi, Olivier, merci. Hein. Allez, salut, hein, grand merci à tous. Bisous, bye bye. Il y avait plein de messages que je voulais lire, malheureusement, je vais pas avoir l'occasion de tout lire là tout de suite. Zenel, qui est là aussi. Vince, je m'appelle Leslie. J'essaie de vous écouter tous les soirs et j'adore votre émission. Faudrait faire plus de défis. Intéressant, je garde ça en tête. Il y a Nino aussi qui est connecté. Je sais qu'il y a beaucoup de dédicaces, j'ai pas l'occasion de tout lire. Vince, qu'on peut le suivre quelque part, Zenrila. Zenrila.be, c'est parti sur YouTube. Et sur YouTube, allez-y, Zenrila. Allez-y sur YouTube, Z-E-N-R-I-2-L-A. Amir avec longtemps, et tout de suite un petit retour en arrière avec le jeu des 4 punchlines, ça s'est passé cette semaine. C'était exceptionnel, il s'est passé un truc dans ce truc-là, là. Enfin, vous allez découvrir avec Sébastien. Tes problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent. Rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Amir sur Énergie, longtemps. Welcome. Yeah. S'il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider... Vince. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur Énergie. Il y a tellement de messages qui sont arrivés ce soir. Là. Quelqu'un qui nous dit, Vince, moi mon pote, son addiction c'est les mensonges, donc il doit être mythomane. Comment est-ce que je peux l'aider? Car il ment surtout et je sais pas quoi faire. Là, c'est pareil, hein. Envoie-le vers Zenrila à la rigueur, ou essaye de discuter avec lui en disant, écoute, on sait que tu mens et tout ça. Salut la gang, ben, salut à toi. Christophe, Vince, notre collègue ici à l'atelier, il s'appelle Pee-wee, qui fait transformiste certains week-ends. Tu penses que ça peut venir de quelque chose lors de son enfance? Bon, ou simplement peut-être qu'il kiffe juste, hein, c'est tout. Alors, il y a Laurent M qui dit, Vince, Idriss Arbricanet en avait parlé quand tu l'avais reçu dans une autre émission en France. Ouais, effectivement. Thomas, là, Vince, bientôt, oula, la fin, tu vas beaucoup manqué samedi, je sais pas quoi faire de mes soirées. T'inquiète pas mon pote, on sera de retour très bientôt là, on sera de retour lundi sur Énergie. On a encore un chouette moment à vous passer. Jason Derulo qui va arriver là sur Énergie. On a également, alors que je regarde bien là, Sébastien qui est venu s'expliquer. Sébastien, c'est un mec qu'on a appelé pour les 4 punchlines, à qui on a fait une blague, sauf que le mec dans la blague, on lui a dit que c'était Énergie, il y croyait pas, il a commencé à balancer des trucs sur son pote, et après bah, il a eu des problèmes Sébastien. Oui, parce qu'il a balancé des trucs sur son pote et sur lui, il a dit qu'il avait volé à l'endroit où il travaillait avec son pote. Le lendemain, je vous dis pas le bordel, il a été viré et Sébastien nous a appelé pour nous faire part de son mécontentement. Ça sera à découvrir d'ici quelques minutes là sur Énergie, si on a le temps, sur la friendzone. Le mot de la fin en toute fin d'émission, et merci à Nino qui nous envoie un message vocal là, visiblement. Ça dit quoi? Oh, Nino est dans la plan. Ah, ça a coupé, Nino. Gueule, ta gueule. Non, ça a coupé. Nino est dans la maison, c'est ça que tu voulais dire. Ah là là, incroyable. Et bisous à Anthony aussi, Vince, remercie Olivier pour son big up de Anthony de la SCT. S'il te plaît, Vince. Message bien passé, Montesando qui est là. Vince, je voudrais pas abuser. Je voulais demander encore quelque chose, que vous auriez pas une idée, parce que je voudrais demander ma copine en mariage. Mais je voudrais faire quelque chose d'exceptionnel, mais j'ai vraiment pas d'idée. Bah écoute, mon pote, on garde ton numéro de téléphone et on gère ça avec le plus grand des plaisirs. T'as des petites idées comme ça pour des mariages, Thibaut? Ah, avec ce micro là ça va ouais, être mieux. Ça serait mieux. Voilà. Bah écoute, moi de ce que j'ai vu, j'ai quand même vu pas mal de trucs originaux, mais ouais. Sinon emmène-la voyager et... Ouais, mais il faut avoir les thunes. C'est ça. Imagine un truc sans thunes, imagine un truc sans budget, tu vois. Un truc sans budget, mais j'avais vu une vidéo, c'était sur la musique de Magic Root et le gars, il avait invité sa copine au cinéma et en fait, il avait fait une vidéo où il demandait le consentement du père okay. avec la musique et tout et du coup la fille elle voyait ça au cinéma et le gars il est arrivé par derrière comme si c'était la suite de la vidéo du coup et il lui a demandé en mariage. Et c'est énorme ça, c'est ouais, génial. C'est un truc de dingue, franchement c'était cool. Les amis, votre attention s'il vous plaît, nous allons essayer de deviner tous ensemble quel est aujourd'hui le légume que notre ami Damien a mis dans son cul ce soir. J'espère que vous êtes prêts. Il m'a envoyé une photo sur le WhatsApp 0492 222 002. Damien, c'est un auditeur très fidèle qui arrête pas d'envoyer des photos avec son derrière et il faut essayer de deviner ce qu'il a mis dedans parce qu'à chaque fois il change de légumes en quelque sorte. Vous êtes prêts? Oui. Lara, vas-y. Un chou-fleur. C'est froid, c'est pas un chou-fleur. Enfin, je vais pas dire froid ou chaud, je vais dire c'est pas ça. Proposé 0492 222 002. Aubergine, c'est pas ça. Thibaut. Un chicon, c'est pas un chicon. Zendrila, tu proposes quoi? Une pastèque, c'est pas ça. La salade. C'est un légume, les gars. C'est un légume. La salade. C'est un légume, c'est pas la salade. Il y a Nino, il a trouvé. Une carotte. Nino une l'a carotte, trouvé. Ouais, artichaut, c'est pas carotte, c'est pas artichaut. Carotte non plus. Un céleri. Un radis, c'est pas ça. Céleri, c'est pas ça. Pomme de terre, c'est pas ça. C'est pas un légume, il me semble. Si, pomme de terre. Ouais, ouais, bon, on s'en fout, vas-y. 0492 222 002. Un poireau, c'est pas un poireau. Carotte, j'avais dit que c'était pas ça. De l'ail, non, c'est pas de l'ail. Courgette non plus. Une tomate. Une tomate, c'est pas une tomate. Qu'est-ce qu'il a mis aujourd'hui dans son cul d'Amien en photo? Est-ce que c'est un truc long? C'est, je ne dirais oui. Est-ce ou non. Est-ce que c'est vert? Un citron. Non, c'est pas un citron. C'est un pas. Un concombre. C'est pas un concombre non plus. Il a déjà été proposé un poivron. C'est pas ça une courgette. C'est pas ça un poireau. C'est pas ça. Et vous galérez aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là? Un avocat, c'est pas ça. Un haricot vert, c'est pas ça. Un navet, c'est pas ça. Un chou chinois, Philippe. Non, c'est pas ça. C'est un légume. Qu'est-ce que Damien a mis dans son cul? Oui, c'est un légume, bien sûr. C'est vert. Mais il met que des légumes dans son cul. Hein. C'est vert. Je ne dirais pas, je ne te répondrai pas. Il est vegan. C'est pas ça. Il est vegan, ouais. C'est pas ça. Un salsifi. Un salsifi, c'est pas ça. On me dit baguette, tomate, hein. C'est pas ça, brocoli, c'est pas ça. Et vous y arrivez pas, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un truc qu'on mange souvent. Un champignon. Mais arrête, je ne te répondrai pas, j'ai pas le droit de te répondre à cette question. Un champignon. Mais je te dis, t'assistes là, toujours savoir là. Un champignon, c'est pas un champignon. Une pastèque, c'est pas une pastèque. Une asperge, c'est pas une asperge. Et vous galérez, c'est un truc de ouf. Il y a personne qui, il y en a un seul qui a trouvé quoi. Un potiron, tomate, poivron, courgette, salade. Andy qui m'envoie un chou de Bruxelles de Jay. Non, c'est pas ça. Haricot de Jessica. Hey les gars, allez. Allez, franchement, il y a un nom que vous n'avez pas donné, quoi. Un légume. Vraiment pas. Mais un légume de ouf. Qu'on mange souvent. Oui, mais grave, on peut en faire de la soupe. Du maïs. Un oignon. Purée. Merci, c'est l'oignon, on arrive tout de suite sur l'énergie. Un oignon dans l'oignon. Il a mis un oignon dans son curé, regardez, voici les photos. C'est ignoble. Il est génial, ce type. Il est énorme. Il a des poils au cul. Damien, tous les jours, il nous envoie une photo différente avec un truc dans son derrière, c'est magique. On arrive tout de suite, bienvenue. Énergie Extravadance, la plus grosse fête de Belgique. Chaque samedi soir, dès 21h, c'est... Énergie Extravadance, votre émission club de référence. Vos DJ belges et internationaux mixent chaque week-end sur Énergie. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to. Get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever we're meant to be together, I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over.

son pote s'est énervé. C'est tellement énervé qu'il a commencé à balancer des choses privées, enfin dans le domaine professionnel et privé. Ouais. Genre, ouais, tu sais quoi, j'ai balancé à tout le monde que toi et moi on vole, que toi et moi on fait ci, que toi et moi on fait ça, blablabla. Dans la boîte où il travaille. Dans la boîte où il travaille. Un crotte va être. Non, ben voilà. Et tout. Et donc c'est parti en sucette, c'est parti en galère. Le mec, à un moment donné, a beau essayer de lui dire, d'arrêter de balancer, en lui disant, écoute, arrête, c'est. T'es sur énergie, le mec voulait pas écouter, il a continué, il a balancé les trucs, il a même balancé les trucs privés sur sa meuf. Ouais, ta meuf. Ouais, genre c'est une chouin. Voilà, qui a été visiblement qui a trompé le gars. En fait, tout un boxon. Et vous savez quoi? Vous demandez tous après lui. Bah, c'est lui qui a demandé après nous. Quoi? Et il est avec nous en ligne. Allô, bonsoir. Ouais, allô, bonsoir. Ouais, franchement, c'est quoi vous êtes. Franchement, allez vous faire foutre tous. Non, mais attends, Sébastien, il faut que tu nous expliques ce qui se passe là. Parce que Sébastien, c'est le mec qui a été piégé hier et qui a tout balancé de ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, le premier truc que j'ai à dire, c'est l'auditeur là, qui a dit, ouais, mon cousin, c'est le manager et tout. Là. Oui, oui. Déjà, toi, espèce de petit fils de pute, va te faire enculer, espèce de poucaf. Eh, il y a les flics qui sont venus chez moi aujourd'hui. Ouais. Oh, c'est pas vrai. Oh putain. Maintenant, vite, tu vas trouver. Non, que t'aimes pas. Écoute, franchement, t'es qu'un PD déjà. Oh bah, écoute, demande. C'est à toi. Déjà, si je suis gay, c'est pas grave en fait. Enfin, je ne suis pas homophobe. C'est vrai que PD n'est pas une insulte. Je retire ça. C'est vrai. C'est pas ça. C'est que je me dis, mais je sais que je le suis pas, donc je m'en fous en fait. Et puis même si je le suis, mais à cause de toi, je suis sur la liste rouge de Tempo Team. Ils veulent plus me prendre. Mais attends, Sébastien, t'as cherché les merdes toi-même. Ouais, mais d'où vous allez donner les noms des gens? Mais attends, on n'a rien donné. C'est toi qui as commencé. On a beau essayer de te dire, gars, c'est énergie, allô, c'est énergie. Écoute. T'écoutais pas et t'étais là. Non, je m'en fous, je balance tout. Jusqu'à ce que tu comprennes que t'étais sur énergie. C'est ta faute. Donc faut pas m'insulter, c'est ta faute, mec. Écoute, toi qui as volé en plus. Ah, j'ai rien volé, t'as des preuves? Bah tu l'as dit toi-même. Ouais, mais il l'a dit, mais voilà. Non, mais si tu veux, gros, moi je peux réécouter les puces et les passer en direct, hein. Ah ouais, voilà. T'es là en train de faire le bonhomme. Je mets les dans ton gros cul, Nigel. Waouh, bah, attends, tu sais quoi, Sébastien, reste avec nous, on va parler avec lui. Oh purée, il y a de l'action ce soir. On va récupérer Sébastien, c'est l'effervescence au standard. Je lis quelques messages. Hein. On a atteint les 100 degrés d'ébullition. Sébastien qu'on récupère. Allô, Sébastien. Ouais, allô. Bon, Sébastien, il va falloir te calmer, mon vieux. Hein. Déjà, Groot, prochaine fois, tu dis dans mon cul. Tu vas venir à la radio, je vais te mettre ma bite dans le cul. Oh là là, quelle vulgarité. On est désolé pour la vulgarité de Nigel. Attends. Mais Nigel, trouve déjà ta bite avant de vouloir. Le mec, je suis sûr qu'il a été voir à quoi on ressemblait et tout. Il est trop fort, lui. Bon, Sébastien, t'es passé hier à l'émission. Hier, tu t'es fait piéger par un de tes potes, sauf que dans ce piège. Attends, déjà, c'est pas mon pote. Bon d'accord, c'était ton pote, on a compris. Ouais. Ça a toujours été une pute. Ok, d'accord, c'est incroyable, vous faites des blagues entre... Enfin bref, soit. Sébastien, il a balancé des trucs, il a balancé, ouais, j'ai volé... Enfin, ouais. Et il s'est fait virer comme une petite merde. Et aujourd'hui, il s'est fait virer visiblement, enfin, il y a eu tout un boxon, il y a eu tout un problème, la police a débarqué, enfin, il y a eu tout un truc, parce que voilà, ça s'est passé un peu là, comme ça, en direct. Je comprends maintenant le message, j'ai reçu un message de mon boss qui me dit, ouais, on a été appelé par la police pour une histoire de truc qui passe à l'antenne. Et moi, je regarde, je fais, mais je sais pas de quoi tu me parles. Et puis... Je refais le lien maintenant. Maintenant, je fais le lien, en fait. Les choses vont vite. Incroyable, hein. Ah, et donc, du coup, il y a des messages vocaux qui arrivent, hein. On nous dit ça, par exemple, la part d'Alison. Je fais trop le malin. Le mec, il se balance lui-même, en direct hier. Et il vient dire que c'est vous qui l'avez balancé. Mais il est con, quoi. Mais il est vraiment con. Mais sa mère, elle est con, sale pute. Non, je te perdais pas. C'est Mathieu, t'as. Calme. Putain, tu es grave. Elle, ma mère, j'aurais été giflé, en fait. C'est ouf qu'on l'abuse. Comment elle parle, lui? Moi, déjà, je savais pas. C'était une blague. On a mis 10 ans avant t'expliquer que c'est une blague, mais t'arrêtais pas de balancer là. Attends, un message d'un autre Vince, il s'appelle Vincent Fourny. Hey, Baraki de Kermesse, là. C'est toi qui vole et qui donne des leçons maintenant. C'est toi qui quoi, il a dit? Qui vole et qui donne des leçons. Ouais, grave, mais complètement, il a raison. Et Christelle. C'est peut-être un peu apprendre à assumer ses conneries, hein. Tu voles, tu te fais prendre, c'est tant pis pour toi. Voilà, t'as compris, c'est ça qu'elle a dit, Christelle. La sentence est irrévocable. Voilà. L'autre qui dit avec les leçons. Je vais donner des soins à sa mère, il va comprendre. Bah arrête! Putain, elle va te mettre un truc dans le cul, toi. Même oh, doucement! Il y a tout le monde qui vient vulgaire là! Tout le monde qui s'énerve! Et le soir, c'est un échappatoire à ta vie. Le soir, c'est l'émission où tu te laisses aller. Échappez-vous! Hein. Attention, il y a Florent qui envoie un message. Florian. T'as dit quoi, Florian? Là, gros, tu vas péter un coude et dans l'élastique de ton slip là. Parce que tu fais le fou à la radio, mais en vrai, frère, ferme ta gueule. Parce que... Oh, c'est sûr, ça! C'est Florian, c'est Florian. Florian, déjà avec son nom de merde, comment tous parler? Viens, donnez-moi leur numéro à tous et ils viennent me voir. Je les baise. Non, mais arrête, toujours pour tout du sexe. C'est personne, gros, tu te fais virer pour 200 balles. Un message d'André. Un gros frangin. On récolte ce qu'on a semé, hein. Toi, t'es là, tu insultes tout le monde, pute, mes frères. C'est toi, la plus grosse des putes. Oh putain, j'en peux plus là. Il y a de tout qui arrive. Hein. Alors, moi, par rapport à ce qu'il a dit, franchement, je trouve ça totalement débile en fait. Parce que si hier tu fais le boss, tu commences à dire fait ça, nanan, dans la boîte. Tu commences à balancer des trucs en fait. Tu viens pas engueuler après la radio où t'as été balancer tes trucs parce que t'assumes toi-même. Comme un individuel, ils ont les bandes son, donc putain, on coupe le son de cette pute. Non, rien à dire vu que. Jusqu'au bout, écoute. Ah ouais, c'est pas rien à dire. Je t'ai fait virer par rapport à tes conneries, donc t'as rien à dire en fait. Voilà, t'as compris. Rien à dire. Donc, prochaine fois que tu passes en tête pour faire le mec, ta gueule. Je veux lui répondre à celle-là. Déjà, c'est pas moi qui suis passé à la radio, c'est la radio qui est venue à moi, espèce de conne de grosse pute. Arrête, mais attends, c'est pas si est-ce qu'il y a pendant deux secondes, non. Est-ce qu'il est possible d'arrêter d'être insultant? Mais attends, mais il fait que se contredire. Non, mais qui dit hier que c'était moi? Attends, moi je vais faire l'avocat du diable ici parce qu'on est tous contre lui, le pauvre. Non, pas le pauvre. Ouais, c'est vrai. J'ai pas lu toutes les notes vocales qui sont arrivées sur WhatsApp. Si vous avez aussi votre mot à dire à Sébastien, 0492 222 002. J'espère que si vous arrivez pile poil maintenant sur Énergie, vous comprenez ce qui est en train de se passer. Il s'est fait piéger par la radio. Ouais. Voilà. Mais ou alors, vous pouvez aussi appeler au 0800 23456. C'est vrai, c'est possible aussi. Lara, c'est quoi? Tu veux faire avocat du diable? Je veux le défendre un peu. Bah, le pauvre, on va pas tous se mettre sur un gars, on sait même pas qui c'est. Enfin, mais personne se met sur lui. Hein. Non, mais c'est lui qui veut baiser tout le monde. C'est lui qui veut se mettre sur tout le monde. Incroyable. Mais de toute façon, moi j'ai été voir mon avocat. Je peux dire ce que je veux à la radio. Il n'y a aucune preuve que c'est mon identité. Je portais plainte contre Tempo Team. Arrête de faire l'ancien. Non, mais je vous explique. Mais t'as volé, mec. Tu veux porter plainte contre pourquoi? Mais écoute-moi, ça tombe. Moi, je suis peut-être pas moi. Ils n'ont aucune preuve. Il n'y a aucune preuve contre moi. Mais il a raison. Il parle à moi. Donc, tout simplement. Je vais vous expliquer que j'ai porté plainte et maintenant c'est moi qui vais tous les arnaquer. Ils m'ont viré abusivement de l'intérêt, mais ils m'ont mis dans la liste rouge sans raison. T'as volé. Mais non, attends, ça c'est ce qu'il a dit lui. Et maintenant, moi si je parle à la radio, je m'appelle Vincent Canté, j'ai fait ça. Le mec il a cherché des infos sur moi, putain. Et hier il me connaissait pas là ce soir, ça y est. J'habite en Anderlecht, j'ai fait ça. Je le dis tous les soirs, ça y a pas de problème. Voilà, mais si je dis ça, puis je dis ouais, j'ai baisé le patron d'énergie, je l'ai volé, j'ai baisé sa femme et tout. Et ben après, t'as commencé. Tu veux pas dire que c'est vrai? Comment il est au courant? Ah, D'accord. Donc voilà. Donc, mais de toute façon, à tous ces cons-là, qu'ils envoient des messages vocaux, là, envoyez tout ce que vous voulez. Mais quoi, je suis sûr que vous êtes les premiers voleurs. Vous êtes là de donner des leçons. Alors que vous êtes tous des trous du cul. Si vous savez gratter 50 cents à votre travail, vous le faites. Ouais, mais toi, je continue à passer les messages des gens. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent pour toi. Juste qu'il assume, hein, on va pas le défendre. Hein. Voilà. C'est pour un message qui est envoyé pour elle, le coup. Elle assume sa prostitution. Ouais. Arrête, toi, ma purée, mais pourquoi tout le monde est une pute, c'est incroyable. Oui. Il tourne toujours autour des putes, lui. Peut-être qu'il aime bien. J'ai pas entendu qu'il y a un petit mal-être comme ça. Ça dit quoi chez Smaco? Paix et amour sur vous tous. J'ai rien compris. Non, paix et amour sur vous tous. Ah, paix et amour sur nous tous, ok, c'est gentil. Message de Samira, attention. Mais c'est la faute aussi à son copain. Il dit, voilà, il sait que le gars, quand il s'énerve, il peut balancer, ouais. Mais c'est la faute à son copain, c'est lui qui l'aurait dû jamais le piéger, parce qu'il sait comment il est son copain. Et hier, il a dit, lui, le gars, Stéphane, on a compris que le même s'il avait un téléphone de merde, il peut déchirer, elle a compris. Christelle, elle dit quoi, Christelle? Bah, Christelle, elle parle trop. Bah, laisse-la. Elle a encore rien dit, elle a pas eu le temps de parler là. Ça dure quelques secondes son truc. Non, mais attends, gros, faut peut-être un peu apprendre à assumer ses conneries. Hein. Tu voles, tu te fais prendre, c'est tant pis pour toi. Et on n'accuse pas les autres. On a déjà entendu celui-là. Ouais, merde, t'as raison, j'ai mal cliqué en fait. Écoute bien. Hein. Un message de Yann, attention. Sébastien, t'as déconné, c'est tout, parce que tu t'échecumes toi-même. C'est toi, tu t'échecumes toi. Au téléphone, tu mets un coup, tu fais des enroules, tu t'échecumes. Qu'est-ce qu'il veut dire, toi? C'est marrant, t'es trop con, c'est tout. Mais que le type il te met la pression au téléphone, dis écoute, t'es où, bâtard? Tu raccrochais, t'allais le voir entre quatre yeux, là, tu scummes ce que t'as à dire. Toi, tu parles au téléphone, tu blablates, et maintenant tu te plains. Mais écoute, t'es un poulet, c'est tout. T'es un poulet, sérieux. Maltraite pas notre gueule. Il a raison. Je suis sûr que si tu vois, on va te mettre deux claques, tu vas comprendre. Il s'appelle Yann. Même qu'il sache son prénom, moi, je vais faire quoi? Non, non, mais le type s'appelle Yann, il n'arrête pas de dire scum. Frère, parle dans ta langue, tu vois, franchement. Bah, c'est bon, t'as pas, c'est pas ça, je suis pas d'accord. Le jargon, maintenant, on parle avec des mots en espagnol, on parle des mots en lingala et des mots en anglais, on parle avec des mots en arabe. Donc mais Sébastien, il vas-y, arrête. Mec. Ta langue, elle appartient pas à une personne, tu vois, c'est tout. Najat, elle dit quoi, Najat? À lui tout seul, en fait, il a. Et c'est un festival de gros mots, en tout cas. Hein. Ouais. Franchement, c'est frustrant. Il a un problème. Et le problème, il doit aller consulter. Non, mais vraiment, je pense aussi. Je... Ouais, toi, Najat, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais arrête, ça va, tu vas répondre à tout le monde, toi. Bah, bien sûr. C'est quoi, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un, attends. Vas-y, explique. Explique-toi, et puis après, on va passer. Ils sont là, ils sont un million à parler. Alors qu'ils sont juste derrière des messages vocaux et ils font les malades. Et toi, t'es derrière quoi? Ils donnent leur avis, ils ont le droit, ouais. Non, mais toi, t'es derrière quoi? Tu veux que je vienne à ton émission? Je viens. Viens. C'est tout, j'arrive. Ok. Ah ouais, tout de suite alors. D'accord. Dommage, je viens. J'arrive tout de suite. Dommage, je viens. Le mec, il m'a tué quand même. Ça dit quoi là? Encore un message? Nec par mer. Ouais. Non, putain. Vulgarité pour vulgarité. Et tout le monde vient vulgaire dans cette émission. Restez calme un peu là. Non, écoute, moi de toute façon, là, vous commencez à m'énerver. Derrière ton nom, j'ai laissé un petit con. Voilà. Sale putain. Eh, le mec, il se rédère pour rien. Vince, tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser. Je vais tout casser. Hey. Bon. Tant qu'on est bien assuré. Ah bah oui. Vince, 21h minuit sur Énergie. Et c'est parti pour le son de Tia avec Mick Mill, c'est nouveau, ça s'appelle Refait. Et la troisième partie avec Sébastien là, qui est venu s'expliquer avec nous, ça arrive dans quelques instants sur Énergie. Merci pour tous vos messages. Et vous avez envoyé des notes vocales de ouf là, c'est un truc de dingue. Soyez bienvenus, 23h50, je vous rappelle que tout à l'heure sur Énergie, on va se faire un petit kiff tranquille avec le mot de la fin. Et si vous êtes sage, j'aurai peut-être une friendzone à vous passer. C'est la friendzone d'hier, vous l'avez redemandé. On va voir si on peut la diffuser. Bienvenue sur Énergie. I fuck her twice and I make her my friend. Shit, look at these haters, they hating again. I know they don't like it, they taking it in. Fuck up a check, then we making it back. She like Chanel, I'm a draper in that. She want the D, I've been waiting on that. I've been doing my thing, they been hating on that. And I meant what I said, I ain't taking it back. We get your chain, we ain't taking it back. Reach for my chain, get your flex, you for that. Only speak on my name when you stay in the facts. Please, I know we ballin' too much. And all of these pretty hoes fallin' for us. I say, Vin, I keep mommy and call it to us. If I give you my number, don't call me too much. Comprende? City to city, bad bitches and titties. She jump on the jet with me, she on the tour. I'm in Balenci, Lorraine, and Givenchy. My pockets on Benji and she in Dior. Flexin' the grand just to look like you got it, but really you broke. Seen suckers pop shit on they Twitter like killers and really get smoked. No niggas that used to be trappers on Twitter just telling us jokes. While we getting money, just burning this bridge, trying to turn it to toast. For real, they say we talk about money too much, but maybe they ain't getting money enough. I say, Dima Lil Poppy, he come with a truck, he gon' make me a tab and I'm running it up. Gracias. Let me welcome you, get introduced to the king. Bentley, Ferrari, brand new and they clean. So disappointed when niggas all shit on their record. You see them, don't do anything. Okay, kill any nigga with more than before. Been stuntin' the shiners and back in the 90s. I'm about to forget it, the Glock in my pocket. Remind you, and plug the whole city behind me. Spend hundreds of thousands, no millions on diamonds. In Philly, they go at me, Millie about me. I'm solid and thorough, stand up before. See these niggas, I just be like, what the fuck? Ain't nowhere in the hell you can fuck with her. Like a bad bitch with no furniture. I can't do nothing with her. Still hit her and them bad bitches who hung with her. That's how I do it, can't get you the formula. Don't stop me now, just warming up. Nigga be acting the fuck they performing for leaving right there for the corner. Man, my bitch look so bad, she a foreigner. Aston Martin, the tire is formal. How we kicking that shit by the normal. We grand hustling the scheming and chasing our dream. Stacking that paper. Here in my rap, so you see me, you see what I mean. Dripping that flavor. Fuck nigga, hater, but try me. I split that potato, then go sit and eat with the mayor. Skiing and veil. David Chappelle told me you niggas are funny as hell. Red to the smoking and running the tail. Open the fuck, put you under the jail. Damn. Como dice Pablo. Plata plomo, así es como es. La verdad, que te vaya bien, bitch. Tranquilo. Oh, what do you do? pero grande mota. Man, what you should say? Como se dice a lot of weed. Yeah, yo quiero grande mota. Okay, huh? Cocaine? Hell yeah, mucho. You want that? Le soir dès 21h. Vince est sur Énergie. Hey, mais toi, non, il faut jamais inviter. T'es quand même taré. Bon, tu sais quoi? Je vais dire un truc. Il y a les auditeurs très fidèles d'émission qui nous écoutent souvent. Vous vous rappelez, on a eu quelqu'un qui nous a appelé de prison. Yes, crapaud. Pour te dire. Crapaud. Parce qu'il nous a expliqué, voilà, les jeunes, arrêtez de déconner. Voilà pourquoi je suis en prison, j'ai fait le con, etc., etc. Yes. Oui, on va pas refaire tout le débat parce qu'on en a parlé longuement, mais effectivement, il y a des téléphones qui sont introduits en prison. Et là, il y a crapaud, c'est un prénom d'emprunt. Il est avec nous à l'antenne et il voulait parler avec Sébastien. Il nous a appelé lui-même de son plein gré parce que nous, on sait pas l'appeler. Lui, voilà, c'est un peu des délires de trucs secrets là. Lui, il peut nous appeler, mais nous, on sait pas l'appeler. Bonsoir, crapaud. Allô, crapaud, est-ce que tu m'entends? Ouais, ah, maintenant je t'entends. Crapaud est dans la maison! Maison en direct depuis la maison d'arrêt. Crapaud, bienvenue à toi, mon pote. Comme d'hab, tu nous écoutes et ça fait plaisir. On t'a plus au téléphone depuis un bon mois là. Il y a un mois là. Ah ouais, mais moi je vous écoute tous les jours, les frères. Ah, big up, mon frérot. Eh ben voilà, bah oui, on nous écoute dans un milieu carcéral. Voilà. On nous écoute de où on veut. Hein. C'est incroyable. Je me rappelle l'avocat qui avait dit: non, mais Vince, tu sais que c'est interdit par la loi. Je fais: mais on fait quoi? Il a passé un message. Il fait: non, mais. Il est interdit par la loi. Crapaud, t'inquiète pas. Il m'a dit non, justement, il y a un beau message derrière, donc ça va, ça passe. J'userai les chaînes comme crapaud. Crapaud. Oh, tu crains. J'userai les chaînes. Bon, crapaud, tu nous avais donné un très beau discours il y a quelques mois de ça, justement, très tard le soir, où tu nous as expliqué. Voilà, t'as parlé aux jeunes qui écoutaient, il y avait beaucoup d'émotions. Ah oui, c'est vrai. Il y a vrai. Vraiment beaucoup d'émotions, on a eu vraiment une vraie discussion, quelque chose de. Tu sais, quand tu touches le real comme ça, quelque chose qui est sincère. Et là, t'as pas pu t'en empêcher, tu veux parler à Sébastien, tu réagis. Donc on t'écoute. Hein. Ouais, moi je voudrais dire à Sébastien, déjà premièrement, arrête de faire l'homme, parce que t'es là derrière ton petit téléphone à pute. Moi je dirais une chose à mon ami, que tu fais l'homme. Moi de là où je suis, dis-moi où tu es, je t'envoie un seul gars, il va démonter ta race. Non, mais non. On veut pas être. Attendez. Deux secondes, tous les deux. Je précise un truc. Et t'imagines, Énergie, complice d'une agression. Écoute-moi. Écoute-moi, Tortue Ninja. Écoute-moi, au final, Vous parlez en même temps, c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, Sébastien, laisse crapaud parler, pas tortue ninja. Laisse parler crapaud d'abord. Déjà, premièrement, un peu de respect. Parce que je t'ai baisse. Moi, je suis ton culasse. Hein? Parce que t'es là, t'insultes. Les putes. Qu'est-ce que t'en fais que ça peut être ta soeur, ta mère, ta cousine? Qu'est-ce que tu en fais? T'es là, t'insultes Vince. Il peut être ton grand frère. À toi, tu veux Sébastien. Ça tombe, c'est moi son grand frère. Appelle-moi qui tu veux, je m'en fous. Moi, j'ai peur de personne. Toi, t'es là entre quatre murs, qu'est-ce que tu vas faire? Si t'étais assez intelligent, tu t'étais assez intelligent. Sébastien, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Sébastien, déjà de un, tu respectes crapaud. Le mec. Il te donne un avis. C'est ton, il est plus âgé que toi. Ça, j'en suis persuadé. À moins que tu vas m'annoncer que t'es 45 ans. Il est plus âgé que toi. Donc de base, respecte. Il a quelque chose à dire. Il a vécu des trucs. Il est en train de te faire comprendre que c'est pas comme ça. C'est pas la voie. Il faut arrêter de faire le grand. Oui, mais c'est parce que t'as commencé. Alors du coup, lui, il est rentré dedans. C'est toi, Sébastien. Depuis hier, j'entends pute. T'as un peu de respect. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de dire pute? Et qu'est-ce que tu disais que toi, ta femme ou la ta fille, elle va être une pute? Oh. Il est chaud quand même. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'au final, moi, j'avais rien à voir. Et que de toute façon, l'autre Thibaut disait, le PD est là. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'à un moment donné, Sébastien, tu vas arrêter de rajouter une insulte derrière ou devant toi, ta phrase? En fait, tu vois, celui-là, au final, c'est lui qui travaille à la caisse. Et moi, j'étais à côté de lui. Oh. Et donc, au final, quand ils vont refaire l'enquête, moi, il n'y a aucune preuve sur moi. Et je vais tout remettre sur sa gueule. Et au final, j'aurai rien. Bah si, parce que tu viens de dire ça à l'antenne, mec. C'est incroyable. Tu sais que c'est. À l'antenne, tu connais la loi par cœur. Oui, tu connais la loi, mais nous aussi on la connaît. Du coup, il y a ton numéro de téléphone, il y a ton blaze et il y a les piges. La seule manière que je me fasse baiser, c'est que vous envoyez mon nom et mon numéro de téléphone. Bah, c'est ce qu'on va faire. Attends. Il faut qu'on soit contacté pour ça. Hein. Ouais, c'est ça. Nous, on va rien faire contre plagré. Si par contre les hommes en uniforme ils arrivent. Et si on me demande à moi, je me décharge. Je dis aller voir avec le patron. C'est le patron qui prend la décision finale de faire. Parce que t'énergie, balance, ça va pas le faire. Non, mais Sébastien, sérieusement, fais l'ancien, mais des menaces, gros. Eh, viens, Sébastien. J'ai crapaud, t'as entendu ce qu'il a dit. T'as des gens de ton, le fais gaffe. Attends, il vient d'où, ce gars? Il vient d'où? Tu viens d'où, Sébastien? Soigny, je crois, c'est ça? Ou ailleurs encore? Non, tu viens d'où? Je viens de Bruxelles. Ah, rien à voir, BX, ok, ouais. Moi, je veux dire, à la façon comment il parle, soit t'es un gars de la roue. Ouais, la roue, c'est Anderlecht. C'est un quartier d'Anderlecht, une station de métro d'ailleurs. Moi, je suis comte de Flandre. Alors, déjà, tu t'appelles pas Sébastien, tu t'appelles soit, je vais pas dire les noms, t'es un arabe. Soyons pas péjoratifs, putain. C'est incroyable, ça, c'est pas parce que t'habites à comte de Flandre que t'es arabe, c'est des couilles. Écoute, crapaud, si t'étais assez intelligent, tu vas savoir qu'hier, il m'a baisé en me faisant une blague. Et il va pas me baiser en me faisant une blague en me changeant mon prénom. Eh, hey, sérieusement, bon, de toute façon, on va arriver à rien. Crapaud, je vais te remercier pour ta réaction. Le Sébastien, laisse-le faire ses conneries. Écoute, et... Moi, je vais dire une chose, Sébastien. Moi, je t'ai appelé pour une chose. Je respecte. Il énerve toute la Belgique. Il énerve tout le monde. Il y a même Crapaud qui a pris son téléphone. C'est vraiment que tout le monde a énervé. Vraiment, c'est ça. C'est le mec qui s'appelle de toi. Il est en prison. Il est là. Crapaud, si t'embrasses le menton, t'as les clés ou pas? Il est horrible. Moi, je veux dire une chose. À part ta claire contre un mur. C'est doux. Parce que tu me dis pute et tu fais l'homme. Eh, mais toi aussi, maintenant, t'insultes, crapaud. Tu fais l'homme, mais devant, y'a rien. Dédicace à Dominique. Ouais. Non, moi, je suis d'accord avec crapaud. Hein. Non, mais. Moi, je pense que Sébastien, c'est moi. Moi, je pense, les gars, que ce qu'on va faire là maintenant ce soir, parce que c'est incroyable, hein, les insultes, on va les oublier. La vulgarité, on va la mettre sur le côté à un moment donné. D'accord, mais je vais te faire parler, alors laisse-moi juste dire une dernière chose. Et arrête d'être insultant, s'il te plaît, Sébastien. Je ne vais pas insulter, je ne vais pas dire que de gros mots ni d'insultes. Ah, à un moment donné. Quoi que ce soit. Comme simplement expliquer qu'au final, moi j'étais tranquille dans ma vie jusqu'à ce que vous m'appelez. Tout simplement. Donc, tu vois, à part si t'as le moyen de Barry Allen flash pour revenir dans le passé et échanger tout ça, ou Marty McFly, donc, au final, le seul truc, la seule personne qui m'a arnaqué pour pas utiliser de termes. Oui, il est 23h23, comme ça vous savez. Le mec, il cherche ses mots quand tu vas pas être vulgaire, t'as remarqué, il est. Ouais. C'est simplement la faute de votre émission, de vous tous, et vous m'avez appelé. J'avais rien à voir, j'étais tranquille sur la PlayStation. Vous m'appelez en privé à 23h30. Arrête de faire la victime. Et final. Non, mais au final, quoi. Mais mon pote, c'est très simple, c'est le karma. Écoute-nous, c'est le karma. C'est-à-dire que toi, tu as fait des choses qui sont pas cool, tu as volé, tu l'as fait de manière délibérée, à plusieurs reprises. Là, maintenant, tu joues sur le fait, la loi, machin, etc. Entre-temps, voilà, c'est revenu contre toi, tout mensonge finit par être reçu, c'est tout. Et ça s'est su de manière originale. Non, mais c'est important, c'est que, ok. Non mais attends gros, regarde le truc, c'est que nous on s'en fout, on t'a fait une vanne. Attends, écoute, tu crois que je suis content, tu crois que je viens de toi. Hey, attends, rapidement, hier, pendant 10 ans, j'ai essayé quand t'as commencé à balancer des trucs, je coupais le micro de temps en temps comme ça, en me disant merde, le mec va raconter des trucs qui sont trop importants. Et à un moment donné, quand t'as commencé à balancer, j'ai pas arrêté de dire Sébastien, hey salut, je m'appelle c'est énergie, je t'ai même passé un jingle, j'ai passé toutes les preuves pour te faire comprendre, ferme ta gueule, arrête, t'as continué. Et t'as un moment où t'as dit j'en ai rien à foutre d'être sur énergie, il a fait ça, j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il y a? T'as fait le show et ça te retombe dessus. Mais j'ai tout fait pour t'aider, Sébastien, de base. J'ai vraiment essayé de le faire. Voilà, donc après, va pas faire le mec, tu fais le coq et après tu repars comme un mouton, reste tranquille. C'est bon, il ne parle plus. Mesdames et messieurs, c'est Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. I should have stayed with you last night instead of going down to find. too vulnerable. That's not your fault. See, I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. It gets too real, and every time I feel like sabotaging, I start running. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. Le soir. Oh my God. Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Vince est dans la maison. Oh là là, il y a le bordel, il y a tout le monde qui a changé de place, je suis en train de changer toute l'organisation des micros, vous prenez la tête. C'est vendredi, ça, c'est ouf. Minuit 5 les amis, Nigel, ça va toujours? Ouais, ça va frérot, et toi? Ben, ça va très bien, tranquille, c'est le week-end les amis, c'est le week-end. Ouais. Et ça, ça fait du bien. Par contre, j'attends grave ton mix extravagance là. Extravagance qui démarre dans quelques minutes. Hein. Ouais, je prends le contrôle des platines. Oula, ça va faire mal. Oula là. Proposez des titres à jouer ce soir là. Allez-y, faites-le sur le WhatsApp 0492 222 002. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages ce soir. C'est un truc de ouf. C'est la fin de la semaine. On sera de retour lundi à partir de 21h. C'est pas fini puisque là, c'est pour vous les cadeaux et aussi c'est savoir ce soir. Qui va gagner? Et tout simplement, le mot de la fin. Je tiens à rappeler les règles du mot de la fin. J'ai un mot en tête. La première personne qui trouve le mot que j'ai en tête gagne ce soir le grand combat, en fait. Ici, le grand combat. Ouais, ça va aller. Alors, tous les micros sont branchés, c'est bon, tout le monde a un micro. Yes, un, deux. Parfait, génial. Et parce que vous êtes tous tellement changé de. Yes. Tu sais que j'ai des moyens mémotechniques pour savoir quel est le micro à qui. Et là, du coup, il y a 3 micros sur 4 qui m'ont tourné le cerveau, là. C'est pas grave. On est là pour se poser, puisque Nigel a changé de place, Thibaut, tout ça, c'est pas grave. Mais, franchement, c'est qu'au standard, ils sont bien, frère. Hein. C'est un cockpit. Ouais, c'est une petite capsule comme ça. Moi, sympa, j'aime bien. Moi, franchement, si tu peux rester là. Content, ouais, tranquille. Alors, les amis, j'ai un mot en tête. Mon statut ne changera pas. La première personne qui trouve ce mot ce soir va gagner. Je rappelle que Nigel est à 2 points, Thibaut est à 1 point, Lara, malheureusement, 0 point, c'est pas et Eddie est à combien un il point, dit un point. Un il point a trouvé seulement. Spectre hier. Ah ouais, Spectrum. Est-ce que tu peux bouger cet écran d'ordi car tu es quand même assez fort, Eddie. Et sur cet écran, le Iyama qui est juste à ta droite, tu le tournes vers nous car nous sommes nuls. Ah, mais il est noir. Ah, mais rien. C'est très bien. Il y a rien. Bah, s'il est noir, c'est très bien. Non, retourne-le maintenant. Alors, très bien. C'est pas gentil de traiter Eddie de noir. Non. Waouh. Pourquoi j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes concentrés. Ouais. Tout le monde est prêt et concentré. Ouais, de dingue. Génial. Attention, musique, les amis, vous pouvez jouer avec nous. 0492-222-002. On commence avec. Avec Eddie. Hein. Eddie, vas-y, tu proposes. Alors, je vais faire comme d'habitude un objet. Un objet, c'est brûlant. Brûlant, oh là là, c'est chaud. Eh, ça commence bien. Brûlant pour objet. Thibaut, tu dis quoi? Moi, je vais dire l'espace. L'espace, tu fais Lara, toi. C'est froid. Lara. Un outil. C'est brûlant. C'est chaud de ouf, hein. Voilà. C'est parce chaud. Que Thibaut, il a toujours. Ouais, objet, toujours chaud, outil, les amis. On cherche un objet ou un outil. Allez-y. Pour faire vos propositions, Nigel. Alors moi, Vince, j'irais une clé. Une clé. Ah ben, une clé. C'est froid, malheureusement. Les propositions qui arrivent. Bougie, c'est froid. Un god, c'est froid. Un micro. Non, c'est froid. Ah, attendez, un micro. Ouais, si, c'est brûlant en fait. Si. C'est une blague. C'est extrêmement brûlant. Objet, outil, micro. Micro est très chaud. Marteau, c'est froid. Une pioche, c'est froid. Marteau, râteau, c'est froid. Voiture, c'est froid. Bilboquet, c'est froid. Une voix, c'est chaud. Une voix V-O-I-X. V-O-I-X. V-O-I-X, la voix qui sort de ta gorge. Eddie, tu proposes quoi? Un son brûlantissime. Oh là là, hey, c'est chaud de ouf. Objet, outil, micro, voix, son. Ces mots sont très chauds. Le plus chaud, je dirais quand même que c'est le son. Son est le plus brûlant. Attention. Une fréquence. Ça se refroidit comparé à ce qu'on a déjà trouvé. Attention. Lara. Un enregistreur. Un enregistreur, c'est... C'est un enregistreur. C'est chaud. Je le mets au même niveau que micro, enregistreur. Ouais, moi, je dirais un casque, pardon. Un casque, non, c'est froid, un casque. Un casque, c'est froid. On propose quoi? Attention. Attends, enregistreur, je l'ai mis au même niveau. Oh purée, il y en a un qui l'a trouvé. Il y en a deux qui l'ont. Non, mais dès que ça passe derrière moi, je retourne ma feuille, hein, t'inquiète pas. Mais... Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y a un problème? Non, j'avais juste besoin de mon téléphone, au calme. Ah bon, bravo. Ok, très bien. Bon, attention. Il y a deux personnes qui l'ont trouvé jusqu'à maintenant. Franchement, je les salue sur le WhatsApp 0492 222 002. Mégaphone au parleur, c'est froid. Il y a toujours deux personnes qui l'ont trouvé. Attention. Écouteur, c'est froid. On m'a envoyé mégaphone, c'est froid. Pige, c'est froid. Amplificateur, ça peut être considéré comme chaud, mais son est le plus brûlant. On m'a envoyé énergie. Énergie, ça peut être chaud aussi. Table de mixage, c'est brûlant. C'est trois mots. C'est brûlant. C'est vrai que c'est brûlant, mais c'est trois mots, donc je ne peux pas le valider. Vous avez rien entendu. Je retourne à Eddie. Eddie. Platine. T'as dit platine? Ouais. Égalité!